Dans une production de Léon Ruth consacrée à 10 jeunes filles dans un siècle, France Culture présente Colombe de Jean Anouilh, avec, dans l'ordre alphabétique, Christian Alers, Marcel Alba, Michel Bouquet, Daniel Delorme, Denise Jans, sociétaire de la Comédie-Française, Jean-Pierre Mariel, Pascal Mazotti, Robert Moncade, Claude Pieplu, Jean-Paul Roussillon, sociétaire de la Comédie-Française, et Sylvie. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Au théâtre, le couloir des loges est la loge de Madame Alexandra. Le couloir est mal éclairé, la loge est encore dans l'ombre. Une jeune femme est assise sur une chaise. Un jeune homme fait les 100 pas. Il semble attendre quelque chose. Une habilleuse apporte une chaise. Là, asseyez-vous, Monsieur Julien. C'est long d'attendre. Merci, Georges. T'ai déjà dit que j'étais mieux debout. Ah, on dit ça, puis la jambe se fatigue. Mon aîné, il était comme vous, toujours debout. Qu'est-ce qu'il a maintenant, des varices? Moi qui suis toujours assis, c'est le contraire. C'est le derrière qui finit par se fatiguer. Je me fous de ton derrière, Jean. Je voudrais que la vieille arrive, et vite. Ah, ça commence par des fourmis, puis après, c'est l'os de la fesse qui fait mal. Ça monte jusqu'au rein. La chair se mâche, forcément, toujours tassée. Colombe, dis-lui qu'elle t'ennuie, je t'en prie, et que tu ne veux rien savoir de son fessier. Si tu la laisses faire, dans 5 minutes, elle va te le montrer. 30 ans assise, Madame Julien, attend la fin du spectacle. Et il y a des pièces qui sont plus ou moins longues. On dit les travailleurs de force, mais c'est dur aussi le métier d'habilleuse. Vous n'êtes pas obligée de rester tout le temps assise? Ah non, mais alors c'est la jambe qui peine. À mon 6e, j'ai eu une phlébite, je m'en ressens. Georges! On se fout de ta phlébite. Voir si la vieille est sur le plateau. Non, elle monte toujours à la loge avant la répétition. La vieille, si c'est pas malheureux, appeler sa mère comme ça dans un certain milieu. Et pas de morale, s'il te plaît. Non, mais entendez-le. C'est tout mon aîné. Quand on m'a rapporté mon homme avec ses deux jambes coupées, il avait glissé sous la machine en la nettoyant chez Panhard. J'ai dit, maintenant je vais être tranquille, il ne cognera plus. Mais, Madame Julien, faut jamais dire, l'aîné s'est mis à cogner comme son père et sous pareil le samedi. On a du mal avec les enfants. Mon 3e, celui qui est mort tuberculeux, je peux dire il était bien doux, toujours à cracher dans son coin ou à jouer tout seul avec des bouts de bois. Mais les autres... Avec le vôtre, Madame Julien, vous avez des satisfactions, j'espère? Oh, il a un an. À cet âge, ça ne sait pas encore. C'est quand ça commence à aller à l'usine que ça devient dur. Il se porte bien au moins? Très bien, merci. Les cacas sont beaux. Les cacas, c'est tout l'enfant. Un enfant qui a de beaux cacas, c'est un enfant qui profite. Jean! Si tu ajoutes un mot, je fais comme tes 5 fils. Je t'assomme. Vous voyez les hommes, Madame Julien, tous les mêmes. Ça ne pense qu'à cogner. Un gamin que j'ai vu grand comme ça. Justement, ça fait trop longtemps que je t'écoute. Il était gentil, vous savez, quand il était petit et qu'il venait attendre madame à la matinée du dimanche. Il me disait, Georges, donne-moi du nougat. C'est pas vrai, Monsieur Julien? Si. Il me rappelait mon petit 3e, celui qui est mort tuberculeux. Toujours dans son coin, à vous regarder sans rien dire. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je me suis guéri au nougat. On dit ça. Le mien aussi disait, je suis plus fort que les autres. Puis un beau jour, on crache son sang. Faut le surveiller, Madame Julien. Lui donner des bons sirops pendant qu'il est encore temps. Et à votre petit aussi. Parce que le fils, c'est le père. Il ne tousse pas au moins, le chérubin. Georges, mon fils ne tousse pas, ma femme ne tousse pas. Je ne tousse pas. Fous-nous la paix. Va voir si la vieille est en bas. Absolument que je la vois. 2 ans sans voir ta mère et cette mariée entre-temps sans rien dire et puis tomber comme ça, sans crier gare juste avant la répétition. On va en entendre tout à l'heure. On est habitué, mais tout de même, ça va donner. C'est qu'elle n'est pas commode non plus, Madame Alexandra. Monsieur Julien et elle, ça n'a jamais été tout seul. C'est pas comme avec Monsieur Armand. Mais celui-là, faut dire qu'il sait s'y prendre. Qu'est-ce qu'elle joue en ce moment? L'impératrice des cœurs. Une pièce où il y a 5 changements, Monsieur Julien. Parlez-moi d'Athalie. Quand elle la reprend, ça, c'est une bonne pièce. Elle ne change qu'une fois. Ah, mais ce qu'on répète en ce moment, la femme et le serpent de Monsieur Poète Chéri, paraît que ça va être pire. 7 changements, dont 2 précipités. Oh. Ceux qui écrivent les pièces, ils pensent pas toujours à l'habilleuse. L'impératrice des cœurs, elle doit jouer une amoureuse. Ce sera dur. Pourquoi? Les seules fois où j'ai pu parler à ma mère, c'est quand elle jouait une mère le soir. Bon, on a beau dire, c'est tout de même quelque chose, le théâtre. Oh, tu exagères toujours. Je ne t'ai pas tout raconté. À 4 ans, j'étais en pension chez un horrible marchand de soupe. à 20 kilomètres de Paris. Cela faisait 6 mois qu'elle n'était pas venue me voir, ma chère maman, comme dit mon frère. Je crevais de froid et de faim. Poète chéri lui apporte la grande coupable, 5 actes en vers, bien entendu, où elle abandonnait son bébé sur les marches d'une église. Au 5e acte, 44 alexandrins sur son remords, 44, pas un de moins. Oui, plus tard, j'ai eu la curiosité de les compter. La veille de la générale, à la fin d'une répétition où elle s'était donnée, comme on dit, dans un beau sentiment, elle prend sa voiture avec des amis et vient voir comment se porte son cher petit à la pension. On avait même emmené un photographe. Pas fou, poète chéri. Tu vois d'ici la publicité pour sa pièce. La grande Alexandra, notre tragédienne nationale qui abandonne chaque soir son bébé sur les marches d'une église. Et, dans la vie, la maman d'un charmant bambin de 4 ans qu'elle adore. Seulement, le bambin était si maigre, il était tellement couvert de croûte qu'on a dû renoncer à le photographier. Le lendemain, maman arrachait des sanglots au tout Paris des Premières avec les 44 vers de remords du 5e acte. Le bruit courut dans les couloirs que son fils était à la mort et qu'elle avait voulu jouer quand même. Oh, c'est un truc qui ne rate jamais, ce fut un triomphe. Le plus clair résultat de cet émouvant chef-d'œuvre justement tombé dans l'oubli, c'est qu'on m'a mis dans une pension en Suisse où j'ai repris forme humaine. Mon pauvre Julien. Ah, depuis, je ne dis plus jamais de mal de la littérature. C'est au vers de poète chéri que je dois d'être encore en vie. Et appelé bientôt à servir la France. Service armé, comme il se doit. Qui est-ce, poète chéri? Émile Robinet, de l'Académie française, le poète à maman. Il l'appelle Madame Chéri, elle l'appelle poète chéri. Il faudra t'y faire. On se chérit beaucoup au théâtre. Tu crois qu'il va faire quelque chose pour nous? Ce sera dur. Mais, étant donné les circonstances familiales et patriotiques, il faudra tout de même qu'elle y passe, la vieille. Je te le jure bien. Tu es laid quand tu parles d'elle ainsi. Je sais. J'aurais bien voulu, moi aussi, qu'on m'ait appris à dire maman et que ce mot me touche le cœur. Pourquoi aime-t-elle ton frère et pas toi? Armand est le fils d'un jockey qui a été sa seule passion. Elle l'entretient encore, c'est le dire. Ah, pas la passion, l'ancien jockey. Armand est venu après moi. Il a été plus joli, plus près d'elle. Il a tout de suite appris à traîner dans les coulisses et à se faire embrasser par les dames. Ses photos dans les jupes de maman avec ses belles boucles et son gros sucre d'orge étaient toutes réussies à lui. Moi, je lui rappelle un peu trop mon père, exigeant et grognon. Il faut avouer que tu n'es pas facile à vivre non plus. Ou bien tu te fâches ou bien tu te tais. Crois-tu que c'est bien de ne m'avoir jamais parlé de ton père? Tu as épousé un orphelin, je tenais à ce que tu en aies les avantages. Si je l'avais pu, elle non plus, tu ne l'aurais jamais connu. Qui c'était ton père? Un officier au Maroc. Un de ces hommes qu'on trouve impossibles et qu'ils sont sans doute. Le goût de la rigueur, de la probité, de l'honneur poussé un peu loin avec tout ce que cela comporte de désagréable naturellement pour les autres. Mû par ce génie des misanthropes pour dénicher les femmes qui doivent les faire souffrir, il est tombé amoureux de maman pendant une tournée qu'elle faisait là-bas. Il a cru qu'elle serait la femme de sa vie. Elle lui a donné 3 semaines de plaisir et puis elle l'a quitté. Pour le comique de la troupe, papa était un homme qui prenait l'existence au sérieux. Il a soigneusement astiqué son grand revolver d'ordonnance et il s'est fait sauter le caisson. Oh, quelle horreur! Oui. Ce geste aussi a beaucoup déplu à ma mère. Comme il s'est trouvé que les avortements sont assez difficiles en tournée, elle m'a mis au monde en rentrant à Paris, voilà. C'est tout de même ta mère. Tu ne crois pas que si tu y avais mis un peu du tien... Merci. Le mien, comme tu dis, je le garde. Je n'en mets pas un peu avec n'importe qui. Tu es impossible, toi aussi, Julien. Impossible n'est pas français. Dis-moi tout de suite que je ne suis pas patriote, moi qui m'apprête à aller tirer 3 ans au camp de Chalon pour défendre la République. Si tu avais voulu demander à ta mère, je suis sûr qu'avec ses relations, elle t'aurait fait réformer. Merci. Je suis antimilitariste. C'est pourquoi je ne veux rien demander à l'armée française, même pas de renoncer à moi. Je ferai l'idiot 3 ans, comme les autres, à frotter le fusil gras, modèle 89. Et moi, pendant ce temps-là? Colombe, mon chéri, je n'ai que toi au monde. Tu sais que je vais crever de te quitter. Mais tu sais aussi que tu ne pourrais plus m'aimer si je faisais quelque chose de laid pour te garder. Mais quelle idée, mon chéri. Mais je pourrais très bien t'aimer quand même, moi. Pas moi. Et je tiens à pouvoir me regarder dans ma glace le matin en me rasant. Comme tout est toujours difficile avec toi. Ne sois pas injuste, Colombe. L'honnêteté n'est pas de tout repos, c'est entendu, mais ce n'est tout de même pas moi qui l'ai inventé. Avec des étudiants qui lui demandent des autographes. Ils n'ont pas encore dételé sa voiture? À chaque triomphe, c'est classique, ces bons jeunes gens s'attellent au coupé de maman. Comme elle est abominablement avare, elle a même fini par se demander si c'était bien la peine de garder un cheval. Oh, si vous le prenez sur ce ton avec elle, mon pauvre monsieur Julien, ça va recommencer comme avant. Oh, vous me faites de la peine, tenez. Quand on voit ce qu'en tire monsieur Armand avec des flatteries... Jean! Contente-toi de pleurer sur ton derrière, pas sur moi, je prendrai le ton qui me plaira. Oh, les hommes, madame Julien, tous les mêmes. Je vais l'avertir que vous êtes là, ça vaut tout de même mieux. Julien, tu sais ce que tu viens lui demander. Sois aimable, je t'en supplie, sois poli. Pour le petit et pour moi. Écoute ça. Cela graillonne, cela souffle, cela halète, cela hisse sa vieille carcasse en haut des marches. Comme cela peut, pour se faire applaudir encore une fois, au lieu de tricoter comme les autres. Mais il ne faut pas croire, en scène, c'est éternellement jeune. Ça ne paraît pas tout à fait 20 ans, cela minaude, cela séduit, cela roucoule. Et c'est ma mère. Julien ! Colombe, tiens-toi droite. Tu vas voir paraître devant toi la vieille déesse de l'amour de la Troisième République. Tu es émue, j'espère, toi qui crois à ce sentiment. J'ai peur, mon chéri. D'elle ? Elle ne mord pas, elle n'a plus de dents. Elle n'a même plus son poumon familier qui l'a suivi partout pendant 6 ans. Il est mort au jardin des plantes, de dégoût. C'est de toi que j'ai peur, Julien. Madame Alexandra paraît, entourée de Madame Georges et d'un état-major de coiffeur, de régisseur, de pédicure. Elle passe devant Colombe et Julien, sans même les regarder, et s'engouffre dans sa loge. Mon fils, inutile. Vous lui direz que je ne veux pas le voir. D'ailleurs, Madame Alexandra, par principe, fait la sourde oreille à tout ce qui est créance, créancier ou simple charité. Quand un jeune homme paraît. Julien, par exemple, d'où sors-tu? Mais qui est-ce? Ma femme, mon frère Armand. Comment? Vous vous êtes marié? Pour de bon? Sacré Julien! Une scène terrible pour changer. La porte qui claque, disparue dans une trappe. Pendant 2 ans, on n'entend plus parler de lui. Quel calme soudain à la maison. Où étais-tu, en Amérique? À Belleville. Je donnais des leçons de piano. Et on n'est pas très musicien dans ce quartier. Alors tu viens faire la paix avec maman? Je vais arranger ça. Je ne crois pas. Nous repartons. Laisse-moi faire! Je te promets une reddition honorable. Non, merci. Tu es bien gentil. Nous repartons. Ah, tu as besoin de quelque chose? J'ai été ratissé hier soir, mon cher. Une déveine. Mais je vais aller voir maman, tout sera arrangé dans 5 minutes. Ne bouge pas. Non, non. J'étais seulement monté en passant. Elle est occupée, tout va très bien. Au revoir. Je suis content de t'avoir revu. Monsieur, n'écoutez pas. Il est trop fier. Il était venu pour essayer de voir sa mère. Je défends. Colombe. Nous avons un petit bébé, monsieur. Et Julien part demain au service militaire. Il était venu lui demander de s'occuper de nous. Comment? Mais tu n'es pas réformé? Non. J'avais seulement demandé un sursis à cause du conservatoire. Je pars demain pour le camp de Chalon. Et la petite va rester sans un franc avec son moutard sur les bras. C'est cela que tu voulais dire à maman? Oui, monsieur. Et comme elle n'a pas accepté de nous recevoir tout de suite, il voulait repartir. Tête de bois. Sacré brute. Toujours le même, un pieu, un totem. Huguenot, va. Il doit vous rendre très malheureuse, mon enfant. Mais je l'aime, monsieur. Je m'en doute bien, nous l'aimons tous. Mais cela ne nous empêche pas de penser que la vie est tout de même plus facile qu'il ne l'imagine. Et si je n'étais pas monté taper maman, il allait repartir tout raide, une, deux, dans un droit au camp de Chalon, sauver la France. Mais d'abord, mon vieux, on va te faire réformer. Tu vois, Julien? Non, merci, je ne veux pas. Tu es tiens, toi, à aller faire du gauche à droite avec les 60 livres sur le dos? À ton aise. Mais ce ravissant petit bout de femme seule à Belleville, avec les couches du bébé et le laitier qui ne peut plus faire crédit, tu n'y tiens pas absolument. Ça ne fait tout de même pas partie de ta noble conception du monde. Alors laisse-moi faire. Je m'occupe d'eux. Moi, dans 5 minutes, cette nymphe et son moutard seront casés. Et tu pourras partir d'un cœur léger, hein? Nous défendre sur les frontières. Il rentre dans la loge, va jusqu'au cabinet de toilette, où il entre sans frapper. Madame Maman, je vous salue. Comme il est gentil. Comme il est gai, lui. Tu vois, j'ai bien fait de lui parler. Oui. Écoute, Colombe, je vais te laisser seule. La vie n'est pas comme tu crois. Je sais, mon chéri. La vie est grave. La vie est humble, Colombe. La vie n'est pas dans les gestes qu'on fait. Oui, je sais, tu me l'as déjà expliqué. Tu vas les voir. Tout ce qui va t'éblouir en eux est faux. Oui, Julien. Je sais que ton cœur est bon et que tu fais des efforts pour comprendre ce que je t'explique, mais tu es toute petite encore et la facilité a des pièges terribles. Il faut que j'aie très peur. Ne ris pas. C'est grave. Il faut avoir peur d'elle de toutes tes forces, petit oiseau. Jure-le-moi. J'essaierai d'avoir très peur, mon chéri, je te le jure, pour que tu sois content de moi. Mais c'est si vilain, la facilité. Oui, Colombe. Oh, c'est pourtant bon, les choses qui se font sans peine et qui vous font plaisir. Non, ce n'est pas bon. La facilité, c'est quand on me dit que je suis belle et qu'on veut m'offrir un bouquet. Oui. Quel mal y a-t-il à prendre des fleurs si je ne donne rien en échange? Écoute, petit oiseau, c'est difficile. Je vais être loin, je serai impuissant. Si tu m'aimes, précisément... Je t'aime, mon chéri, je n'aime que toi. Oui, je veux le croire de toutes mes forces en ce moment. Alors, si tu m'aimes, tu m'écoutes bien. Tu regardes ailleurs. Je regarde ailleurs, mais je t'écoute, mon chéri, de toutes mes oreilles. Si tu m'aimes, Colombe, tu n'aimeras rien de ce que tu aimes. Oh, pas les robes, pas les bagues, pas les fleurs, pas les compliments. Pas les boutiques où on vous montre pour rien tout ce qu'il y a de beau sur la terre. Non. Mais je ne demande pas que tu m'achètes. Seulement les regarder. Quel mal y a-t-il à regarder? Même pas les regarder. Que tu me dises de ne pas accepter si on te propose, oui, je comprends la rigueur. Mais de regarder seulement... Non, puisque je ne peux pas te les donner, ces robes, il ne faut même pas les regarder. C'est un peu difficile ce que tu me demandes. Tout ce qui est bien est difficile. Je te l'ai expliqué. Jure-le-moi. Mais on a toujours peur avec toi. C'est comme une leçon qu'on n'est jamais très sûr de savoir. Écoute, et tâche de comprendre, Colombe. Tu es ma femme et tu as accepté de me suivre et d'être pauvre il y a 2 ans. C'est vrai, cela? Mais oui, mon chéri. Tu as tout accepté parce que je t'ai parlé et que tu m'as cru. Le petit garçon qui crie toujours et qui ne veut pas que nous dormions avec ses couches et ses biberons et les doigts rouges avec les langes et la vaisselle et toute la pauvre petite vie de tous les jours. Tu n'étais pas obligée et pourtant tu as accepté. J'ai accepté parce que je t'aimais, mon chéri, voilà tout. Cela ne me suffit pas que tu m'aimes. Je vais partir. Jure. Comme nous avons juré autrefois. Devant le maire? Oh, il était trop laid. Avec son écharpe sur le ventre et ses pellicules, ça comptait pas. Alors, jure comme nous avons juré devant le vieux curé qui pensait à autre chose dans la petite chapelle froide où il n'y avait pas d'invité, peut-être même pas de bon Dieu. Bon. Je jure. Là, tu es content? Crache. Je crache. Mais ce n'est pas parce que j'ai juré, idiot chéri, que je suis ta femme. C'est parce que je t'aime. Non, je ne veux pas que tu sois ma femme parce que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux que cela me fasse, que tu m'aimes? Demain, tu peux ne plus m'aimer. Je veux que tu sois ma femme toujours parce que tu me l'as juré. Alors ça t'est égal que je t'aime? Oui. Non. Comprends-moi, petit oiseau. Tu n'es pas seulement ma femme. Une femme, j'aurais pu en avoir une autre. Plus belle que toi, peut-être. Comment plus belle que moi? Et tu oses prétendre que tu m'aimes? Mais va la chercher, mais va la chercher tout de suite, cette idiote. Et on verra si elle s'amusera tous les jours avec toi. Écoute-moi, Colombe, tu comprends ce que je veux dire? Tu aurais pu, toi, connaître un autre homme plus beau ou plus fort que moi et l'aimer comme un homme. Cet amour-là, qui est une partie de notre amour, c'est ce que nous pouvions donner à n'importe qui. Parce que nous sommes jeunes et vivants. Toi, tu es autre chose. Tu es mon allié. Tu es mon petit frère. Ils sont laids tous, ils sont veules. Et ceux qui ne sont pas méchants sont bêtes. Depuis que je suis tout petit, je n'ai le souvenir que de blessures. Je les hais. Il faut avouer aussi que tu n'es pas sociable. Non, je ne suis pas sociable. Mais je refais un monde à moi où tout est plus difficile et plus pur. Et c'est toi qui es ce monde, Colombe. Avec ce petit quinquagénaire ricanant dans ses langes, provisoirement, tant qu'il n'a pas encore montré qui il était. Mais c'est ton fils tout de même, ce vieux monsieur. Et s'il n'est pas ce que tu veux, quand il sera grand, tu ne l'aimeras pas. Non, non. Alors moi, si je comprends bien, c'est pour mes qualités que tu m'aimes? Oui. Si j'étais menteuse, si j'étais voleuse, si j'étais coquette, tu ne m'aimerais pas. Non. Tu ne m'aimes que pour mes qualités. Et tu crois que c'est flatteur. Mais tout le monde peut m'aimer pour mes qualités, c'est bien malin. Il faut que tu m'aimes pour mes défauts, si tu m'aimes. Tu n'as que des défauts d'oiseau, Colombe. Et si j'en avais d'autres un jour, des plus gros, tu ne m'aimerais plus? Oh, c'est trop facile, mon bonhomme. Et tu crois que c'est ça, l'amour? Oui, Colombe. Bon, tu en sais toujours plus long que les autres. Moi, je sais en tout cas que ce n'est pas comme ça que je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on m'aime comme une vraie femme. Pas seulement comme une écolière qui récite bien sa leçon. Eh bien, au retour du service militaire, je t'aimerai comme une vraie femme, c'est promis. Nous aurons des scènes, nous aussi. De grands éclats et des réconciliations. Et tu me feras souffrir comme les vraies femmes font souffrir les vrais hommes. Mais pendant que je serai absent, rappelle-toi bien la leçon tout de même. Petit oiseau. Sois dur. Exigeante. Fermée. Sois encore un peu, je t'en prie, comme j'aime que tu sois. J'essaie toujours d'être comme tu le veux, tu le sais bien. Armand va revenir. Je veux te dire quelque chose encore. Tu ne l'aimeras pas si tu dois le revoir. Mais il est très gentil. Tu ne l'aimeras pas parce qu'il est très gentil. Tu ne l'aimeras pas parce que tu m'aimes. Parce que moi, je ne suis pas très gentil. Oh, tu n'as pas à t'inventer, c'est plutôt une qualité d'être gentil. Non, non. Oh, comme tout est compliqué avec toi, mon chéri, il faut toujours que je me méfie. Pour moi, tout est tellement plus simple. Tout le monde est gentil. Il n'y a rien de laid. Et j'ai simplement envie d'être heureuse. Heureuse. C'est drôle. C'est un mot qui chatouille les lèvres quand on le dit, comme si on vous embrassait. Vous êtes toujours là, les tourtereaux? Ah. Victoire, mes enfants, victoire. Elle ne veut pas recevoir le renégat, mais elle consent à voir son épouse. Comment s'appelle-t-elle, au fait, cette jeune beauté? Colombe, monsieur. Dieu, que c'est ravissant. Où avez-vous été déniché ce nom-là? Oh, c'est une sainte. Comme c'est dommage. J'espérais qu'on l'avait fait pour vous. En tout cas, cela ne devait pas être une vraie sainte. Elle avait sûrement un peu péché. Patiente 5 minutes dans le couloir, hein, mon petit vieux. Si tu te montres, elle va voir rouge. Je voudrais faire accepter Colombe d'abord. Toi, tu feras ton entrée au second tableau. Le fils repentant, la mère au grand cœur. Il suffit de lui suggérer la scène. Je la connais, elle la jouera. Tu n'y couperas pas au baiser d'adieu. Un détail, cependant. Je ne lui ai pas encore dit qu'elle était grand-mère. Oui, à son âge, ça pourrait la tuer. On lui annoncera ça plus tard avec déménagement. Tu es d'accord? Cela ne choque pas trop ton sens de la rigueur, cher Caton? Je te remercie, Armand. Tu es très bon. Mais non, je ne suis pas bon, cher ours. Tu le sais aussi bien que moi. Seulement, ta femme est ravissante et tu es mon frère, après tout. Il faut bien avoir le sens de la famille, de temps en temps. Allez, suivez-moi, rougissante colombe. Et du charme. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas de conseils à vous donner sur ce point. Je me trompe? Oui, monsieur, je suis très timide. Vraiment, mon cher cœur, vous donnez tout de suite cette impression. Et d'abord, ne m'appelez pas monsieur. Je m'appelle Armand. Ils sont passés dans la loge. Colombe regarde autour d'elle, émerveillée. C'est beau chez maman, hein? Le grand art. Et elle a réussi ce tour de force. Tout est rigoureusement faux. Asseyez-vous sur ce pouf qui aurait bien voulu être Louis XV et attendez-moi bien sagement. J'introduis le tigre. Cette présentation importante ne pouvait décemment avoir lieu dans son cabinet de toilette. Pourriez-vous sauver? Du cran. C'est comme tous les vieux fauves, il suffit de les regarder en face, ça les démonte. Et c'est eux qui ont peur. D'ailleurs, je serai là. Une seconde. Il est entré dans l'autre loge. Colombe est restée seule dans la grande pièce, encombrée de tentures, de potiches, de plantes vertes. Julien est seul sur sa petite chaise dans le couloir, de l'autre côté du mur. Colombe! Oui! Tu m'as juré! Mais oui! Tu es insupportable, tais-toi! Des Fournettes, le co-directeur du théâtre avec Alexandra, accompagné de poète chéri, entre par le couloir. Deux grands cols, deux culs de singe, deux paires de moustaches, deux hautes formes, deux redingotes, deux cannes. Admirable! Vous trouvez? Vraiment? Mon cher poète, c'est génial! J'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autres mots. Ne cherchez plus, celui-là est bien suffisant. Je suis assez content de moi-même. Oui, oui, je crois que je tiens mon bec. Ah, le cinquième acte va être éblouissant. Pardon, monsieur. Mais c'est Julien. Par exemple, qu'est-ce que tu fais là, garnement? J'attends ma mère. Ah, elle sait que tu es là? Armand a été la prévenue. Pas de scène avant la répétition, je t'en prie, mon petit. Hein. Attends 6 heures, nous passons le 22, nous n'avons pas un jour à perdre. Demande à Robinet. Vous ne vous dites pas bonjour? J'attends. Qu'est-ce que vous attendez? Les excuses. Quelles excuses? Monsieur sait parfaitement de quoi il s'agit. Ah, le coup de pied. Oh, c'est pas encore réglé depuis le temps, cette histoire-là. Pas encore. Oh, un bon mouvement, Julien. Vous ne pouvez pas rester éternellement fâché, Robinet et toi. Je suis sûr que vous ne vous rappelez même plus pourquoi vous vous êtes bousculé. Si, très bien. Ah, tête de bois. Allez, Robinet, soyez conciliant. Ah, j'ai réglé dans ma vie un certain nombre d'affaires délicates. Un coup de pied n'est pas une gifle. Croyez-moi, le code est formel. Le coup de pied n'entache pas l'honneur. Ah, pardon. Au derrière. Au derrière, évidemment. Oui, le coup de pied au derrière entache l'honneur. Allez, c'est à toi de faire le premier pas, Julien. Si je fais un pas, je lève le pied. Si je lève le pied, je ne réponds plus de rien. Ah, tu es impossible, enfin, je ne sais plus ce que devait faire Robinet, mais je suis sûr que cela ne présentait aucun caractère de gravité. Allez, Robinet, de votre côté, vous devez tout de même considérer qu'il vous a atteint au mollet. Hein, c'est au mollet qu'il a déchiré votre pantalon, j'étais témoin. Le derrière était visé. Oh, qui sait, dans la bousculade. Ah, non. Allez, honnêtement, mon petit Julien, visais-tu le derrière? Hein? Si tu dis non, je me porte garant que Robinet peut être satisfait et qu'il vous est possible de vous serrer la main. Allez, un bon mouvement, sacrebleu. Tu viens justement ici pour te réconcilier avec ta mère. Robinet est son poète et son ami. De plus, pourquoi ne pas en convenir devant lui? C'est un homme qui a du génie. Il pourrait être ton père. Il est de l'Académie française. C'est une de nos gloires nationales. À tout cela compte que diable. Allez, tu es jeune, emporté, on le sait. Il y a une bousculade entre vous il y a 2 ans. Je ne veux même pas savoir pourquoi. Allez, avoue que ce n'était pas son derrière que tu visais. Si, c'était son derrière. Je n'ai qu'un regret, c'est de l'avoir raté. Oh, impossible, impossible. Tu es impossible, tu découragerais un saint. Allez, personne ne pourra te supporter jamais. Allez, venez, Robinet, venez. Il entre dans la loge, entraînant Poète Chéri, qui toise Julien et passe. Raide, avec une vague crainte pour son derrière, dans sa façon de marcher. Bonjour, mon enfant. Mademoiselle. Vous attendez Madame Alexandra? Oui, monsieur. Charmante, elle est charmante. Dites-moi, mademoiselle, est-ce que nous nous sommes déjà pas rencontrés quelque part? Si, monsieur, il y a 2 ans au théâtre. Ah! C'est juste. Mais alors, vous êtes avec... Oui, monsieur. Je suis sa femme, maintenant. Compliment. Vous êtes là, madame chérie? Poète chérie a fait son béquet. C'est génial! N'exagérons rien. Je crois tout simplement que ce n'est pas malvenu. Ah, c'est génial. Madame Alexandra fait irruption, empanachée dans son costume de scène tout en paillettes. Boa de plumes, ombrelles, chapeau gigantesque. Elle est suivie d'Armand et de Madame Georges. Le pédicure, le coiffeur sont sur le seuil pour contempler leur œuvre. Eh bien, où est-il ce béquet? Et cette petite, où est-elle? Elle est ravissante! Bonjour, mon petit. Poète, poète chéri. Madame chérie. Mon grand homme, mon seul Dieu, quand je pense que c'est si gentil et que cela a du génie. Bien dormi au moins. Pas dormi, madame chérie, le béquet. Oh, le béquet, c'est vrai, le béquet. Les muses me l'ont fatigué. Il est tout pâle, mon poète. Un fauteuil, qu'il s'asseye, un fauteuil tout de suite pour mon poète. Non, non, non, non, non, pas pour moi. Je n'en ai pas le droit aujourd'hui. Un pouf très bas. Je veux écouter mon poète à ses pieds. Madame chérie, c'est à vous, c'est à votre génie que je dois tout. Je ne permettrai pas. Oh, qu'il est gentil. Il est bon comme le bon pain. Il faut que je l'embrasse encore. grand poète. Et qu'il ne sait même pas. Madame chérie, grande, grande artiste, inoubliable. De fauteuil alors, de fauteuil. Elle est ravissante, cette petite. Faudra la coiffer autrement. Je vous écoute, poète chérie. Cela se place après la grande scène du 5, quand Gaëtan a décidé de mourir. Je vois. Elle est étendue sur une méridienne très pâle. Sa robe blanche fait de grands plis tout autour d'elle. 20 mètres de tissu. Ce sera magnifique. Je vois tout cela. Je commence. Lune amie, astre mort et froid comme mon cœur. Dieu, que c'est beau! Dieu, que c'est beau cela! Dieu, que c'est bien dit! Astre mort et froid comme mon cœur. Je vois tout à fait comment je leur dirai cela. Je les tiendrai. J'en ferai ce que je voudrai. Elle n'a pas cessé de se regarder dans la glace en parlant. Lucien. Bougre d'âne. Madame chérie. Vous moquez de moi, mon garçon. Vous m'avez coiffé comme un caniche. Mais qu'est-ce que c'est que ces boucles? Allez, arrangez-moi ça tout de suite. Et après, il faut coiffer cette petite. Des chiens, avec un front pareil. Elle est folle. Quand on a un joli front, on le monstre, mon petit. Je vous écoute, poète chéri. Lune amie, astre mort et froid comme mon cœur. C'est très bien, cela, c'est très bien. Ah! Vous me tirez, Lucien? Ce sont les fausses, madame chérie. Mais vous me faites mal tout de même, imbécile. Comme mon cœur. Après, poète chéri. Lune amie, astre mort et froid comme mon cœur. Y pendrai-je à tes yeux le fiel de ma rancœur? J'aime mieux ça. Vous n'aimez pas le premier, madame chérie? Mais non, non, je parle des boucles. C'est très beau, poète chéri. C'est admirable. Continuez. Le fiel de ma rancœur. Alors, à ce moment-là, j'étendrai la main. Je vois tout à fait cela. Et pendrai-je à tes yeux le fiel de ma rancœur? Amoureuse déçue, amante magnanime, j'hésite. Et dans mon cœur, que tant de haine anime. Que tant de haine anime. Bien sorti le hache. Je vois cela. C'est très beau. C'est très vrai. Très humain. La fleur de mon amour à la morte senteur des tubéreuses endormies de ce parc. Cœur, mon cœur trop hésitant, il faut que tu prononces. C'est magnifique. Poète chéri, magnifique. Génie, immense génie. Vous voyez, Lucien, il faudra toujours me rentrer les boucles. Pour cette petite, voilà ce que je voudrais qu'on lui fasse. Tournez-vous, mon petit, vers la lumière. Regardez bien, Lucien. N'est-ce pas, vous dégagez le front, le chignon très bas, comme cela, c'est ravissant. Cela a une peau de pêche, et ça n'en montre rien. Qu'est-ce qui vous a acheté cette robe ridicule? Julien, madame. Chut, imbécile. Il a autant de goût que son père. Mon petit Armand, regarde ses épaules. Cette petite a des épaules de reine, et elle les cache. Dieu, qu'on est bête quand on est jeune. Continuez, continuez, poète chéri. Je vous écoute. Cœur, mon cœur trop hésitant, il faut que tu prononces. Vous voyez, je sais déjà votre béquet. Laissez-moi faire, mon petit. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Georges, passe-moi mon coffret de bijoux. Dans ce hallier touffu d'épines et de ronces où tu t'es déchiré, cœur, mon cœur, quelle main trouveras-tu pour te guider au vrai chemin? Admirable. Très grand, très beau. Armand, toi qui as du goût, comment la trouves-tu maintenant, cette jeune personne? Méconnaissable, maman. Vous êtes une fée. Pourquoi ne portez-vous pas de bijoux, petite idiote? Tout est joli sur vous. Parce que j'en ai pas. Mais moi non plus, je n'en avais pas à votre âge. Mais j'en achetais, à 2 sous, dans la sciure. Ils étaient faux, mais j'en avais. Julien n'aime pas les bijoux faux. Ne me parlez pas de cet imbécile. Comment avez-vous pu le supporter 2 ans? Moi, avec son père, je n'ai pas tenu un mois. Quand on se donne le genre de ne pas aimer les faux bijoux, on gagne assez d'argent pour en acheter des vrais. On ne va pas se faire payer 1 sou par jour au camp de Chalon en étant obligé de confier sa femme aux autres. Dites-moi, poète chéri, c'est magnifique, c'est très beau. Mais je voudrais vous demander quelque chose. Vous savez qui est cette petite? Oui, madame chérie. C'est la femme de Julien qui me la laisse sur les bras. Monsieur part au service militaire. Moi qui leur déclame la Marseillaise tous les 14 juillet à l'Élysée, pensez bien que si je leur avais demandé, ils l'auraient réformé tout de suite. Mais non, monsieur ne veut pas. Monsieur doit adorer cela, comme son père jouait aux petits soldats. Seulement, il laisse sa femme seule à Paris, sans un sou. Il faut absolument qu'elle travaille, cette petite. Tout le monde doit travailler de nos jours. Tout est trop cher. poète. Poète, chérie. Grand poète. Puisque vous refaites la fin du 5, vous ne savez pas ce que j'ai pensé. Vous devriez me la mettre dans le béquet, cette enfant. Je suis sûre qu'elle a une jolie voix, une muse, une créature de la nuit qui vient consoler Gaëtan. Poète chérie, avec votre génie, vous allez sûrement me trouver cela. Ah, non, merci, j'ai compris. Comme cela, c'est le théâtre qui paiera. Non, merci. Voulez-vous vous taire, des fournettes ? Vous êtes un ver. Vous n'êtes rien. Vous ferez ce qu'on vous dira. Pardon, je suis co-directeur de ce théâtre. C'est tout de même moi qui assume les frais généraux. 50-50, moi je suis un homme d'affaires, je ne sors pas de là. Sacre bleu, vous avez assez d'argent pour entretenir votre bruit sans moi. Vous me raflez déjà la moitié de la recette. Immonde. Vous êtes immonde. C'est un être immonde. Qu'il sorte. Je ne veux plus le voir. Ah non, la pièce est distribuée, il y a 32 personnages, 60 costumes. Nous ne ferons même pas nos frais. Il ne peut pas être question d'y ajouter un seul rôle sous prétexte que votre bruit est sur le pavé. Des fournettes. Vous ne pensez qu'à l'argent. Vous me dégoûtez. Moi, je me tue. C'est mon cœur. Ce sont mes tripes que je donne chaque soir pour votre théâtre. Donnez-les pour rien, je vous admirerai. Pour rien ? Vous mettez à être grossier maintenant ? C'est bien. J'ai ma migraine. Je ne répéterai pas aujourd'hui. Ah, madame chérie, nous passons le 22. Nous ne passerons pas le 22. Voilà tout. Mais il est impossible de reculer, madame chérie. Et Troulazac nous quitte le 20 pour créer la pièce des bouffes. Nous jouerons son Troulazac. Il est assez mauvais, celui-là. Pour une fois qu'on peut jouer sans lui. Mais c'est fou, sa doublure est impossible, vous le savez. Et l'impératrice des cœurs ne fait déjà plus ses frais, madame chérie. Allez, il est 4 heures, tout le monde attend sur le plateau depuis 2h30. Il faut absolument passer le 22 décembre et répéter. C'est entendu, je prends la petite. 7 francs par représentation. Les matinées doubles. Mais ce n'est pas raisonnable, s'il ne dit que 4 vers, le tarif... Elle en dira 12, voilà tout. Vous êtes un marchand des fournettes. Un seul marchand. Je ne sais pas comment nous vous tolérons parmi nous. Eh bien, c'est entendu, elle aura ses 7 francs, même s'il ne dit que 4 vers, même s'il ne dit rien du tout, mais descendez répéter, madame chérie. Poète, chérie. Grand poète. Bravo. Il est admirable, votre béquet. Mais je n'ai lu que le début, madame chérie. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'ai deviné le reste. C'est génial. C'est ce que vous avez fait de mieux. Vous m'ajouterez 4 vers de plus pour cette petite, n'est-ce pas, grand ami ? On les lui fera dire à la répétition. Georges, tâche donc de lui trouver une robe qu'elle ne descende pas fagotée ainsi. Sur le plateau. Mais madame chérie, ils attendent en bas depuis 2h30. La robe bleue que je n'ai jamais pu entrer dans Rosalinde. Elle est neuve. Armand, toi qui sais si bien attiffer les femmes, surveille donc cela. Oui, maman. Vous êtes une femme étonnante. Maman. Vous venez ? Jeune étoile. Mais dépêchez-vous donc, vous. Allez l'essayer, votre robe, puisqu'on vous le dit. Allez, je descends les faire patienter. Lucien. C'est gai. Maintenant, je n'ai plus l'air d'un caniche. J'ai l'air d'un phoque. Lucien. Imbécile. Où avez-vous mis mes boucles? Je fais chauve, maintenant. C'est complet. Mais, madame chérie, c'est vous qui... Vous êtes un âne. Vous n'avez rien compris du tout. Vous mériteriez que je vous tue. Nous n'avons plus le temps. Nous verrons cela après la répétition. Poète, chérie. Grand poète. Il est admirable, votre béquet. Si. Est admirable. Seulement, vous ne savez pas ce que je ferai à votre place. Non. Je supprimerai les 6 premiers vers. Mais je ne vous en ai lu que 7, Madame Chérie. C'est justement. Je commencerai au 7e. Mon cœur, trop hésitant, il faut que tu prononces. Ce sera 1000 fois plus direct. Mais cela m'enlève les tubéreuses. Ça ne fait rien. J'en mettrai des vrais dans des vases. Cela fera encore plus d'effet. Ils sont passés devant Julien qui s'est levé, pâle. Madame Alexandra ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir. Madame Georges sort de la seconde loge et trottine jusqu'au couloir. Tout s'arrange, monsieur Julien. Madame Chéri a été très bonne. Elle a forcé monsieur Desfournette à la prendre au théâtre. Mais c'est bien grâce à monsieur Armand. En voilà un bon cœur. Ils vont la faire jouer? Oui, ils ont tous été très gentils. Monsieur Poète Chéri va lui faire 4 vers au 5e acte et elle aura 7 francs par jour. Vous pouvez partir tranquille maintenant. Et le petit, qui le gardera? Oh, vous savez, monsieur Julien, à cet âge, ça dort. C'est plus tard quand ça essaie de se lever de son berceau qu'on ne peut pas les laisser, ces petits anges. Moi, mon 3e. Laisse-moi, Georges. J'ai le droit d'entrer maintenant. Il n'y a plus personne. Oh, monsieur Armand lui passe une robe. Ils veulent la faire répéter tout de suite. 7 francs qu'elle aura. Et les matinées doubles. À ce soir, beauté. Oh, ben tu peux entrer, mon vieux. Tu ne la reconnaîtras pas, ta femme. Excuse-moi, je file. On m'attend chez Maxime's. Georges t'a dit, hein? Tout est arrangé. Je te revois ce soir? Je ne crois pas. Alors, bonne chance, militaire. Et sois tranquille pour la petite colombe. On en prendra soin. Julien entre dans la loge et s'arrête. Colombe paraît dans une très belle robe, parée, méconnaissable. Elle court à une glace sans même le regarder. Julien! Oh, Julien, c'est moi, tu crois? Oui, c'est toi. C'est ta voix, en tout cas. Si tu savais comme ils sont amusants. Ils parlent tous en même temps, ils crient, ils se disputent, ils s'embrassent. On ne doit jamais s'ennuyer avec eux. Ils vont me faire faire du théâtre. Je serai une muse au 5e acte. Je dirai des vers, j'aurai une robe. Et ce n'est pas pour dans longtemps, c'est pour tout de suite. Oh, c'est moi. C'est moi, tu crois, Julien? Je ne sais plus, Colombe. C'est moi. C'est moi. Le plateau nu, mal éclairé. Quelques vagues portant en désordre, des arbres, des fontaines et, insolite au milieu d'eux, une porte Louis XV, font un décor fantasmagorique. Colombe, seule, attend l'heure de la répétition. Dubartas fait une noble entrée. Grand feutre, fleur à la boutonnière, canne. Légèrement argenté, mais éternellement jeune. Bonjour, mon petit. Vous êtes la première? Madame Chéri est déjà là, monsieur Dubartas. Diable, exact, notre vedette. Qu'est-ce qui se passe? J'étais venu tôt pour bavarder un peu avec vous. Hein? Ça entre, le métier? Madame Chéri dit que j'ai fait des progrès. C'est très joli, mon petit, ce que vous faites. C'est encore un peu maladroit, mais c'est très joli. Faudra passer chez moi pour une répétition, hein? Je vous ferai travailler. Oh, c'est vrai, monsieur Dubartas. Oui, un doigt de Porto, de biscuits. Nous bavarderons, vous verrez, j'ai une très jolie garçonnière. Tout est marocain. Je suis fou, mon petit. J'ai pas dormi de la nuit. Oh, mais il faut dormir, monsieur Dubartas. C'est impossible, je vous voyais coucher sur ma peau de tigre, devant le grand feu de bois. J'ai gémi toute la nuit comme un damné. J'ai bu affreusement pour oublier, je me suis drogué, rien à faire, vous étiez là. Et je ne pouvais pas vous toucher. Au matin, je me suis endormi terrassé, étreignant le vide. Mon valet de chambre m'a trouvé couché par terre devant le feu éteint. Vous avez un valet de chambre? Oui, un Marocain, tout en blanc avec un turban rouge. Oh, ce qu'il doit être beau. Oui, il a un poignard, Marocain également. Finement ciselé à la ceinture. Il s'inclinera devant vous, les bras croisés sur la poitrine. Il vous servira comme une reine, sans un mot. Il est muet? Quand il le faut, comme tous les Marocains. Venez donc, simple curieuse. Je m'habillerai en Marocain, moi aussi. Hein? Tu veux donc me faire mourir, enfant? Tu le sais pourtant que je te désire plus que tout au monde. Et que si tu n'es pas à moi, je me tuerai. Comment avez-vous pu m'aimer si vite? Il y a si longtemps que je t'attendais. Oh, c'est vrai? Oui. Et toi aussi, tu m'attendais, je le sais. Tu attendais les heures folles, le désir plus fort que la mort qui te révélerait à toi-même. T'as-t-on aimé comme un damné déjà? A-t-on oublié de dormir des nuits et des nuits en contemplant ton image? A-t-on voulu mourir déjà pour toi? Ah non, jamais. Alors tu n'as jamais été aimée. Tu n'as pas encore été toi-même. Viens, je t'apprendrai le vrai secret des femmes. Se regarder dans d'autres yeux. Tant qu'un homme éperdu de désir n'aura pas baisé la trace de tes pieds nus sur le tapis, tant qu'on ne t'aura pas servi à genoux comme un esclave, tu ne peux pas savoir qui tu es. Je ne vous connais presque pas, monsieur Dubertas. Est-ce que j'existe? As-tu besoin de me connaître? Respire seulement mon désir autour de toi comme un parfum grisant de l'Afrique. Et sois toi-même, révélé à toi-même, par ce désir qui te prolonge et te complète. Julien aussi, même. Comme moi? Est-ce qu'il est prêt à mourir tout de suite sur un signe, à se rouler par terre, à gémir, à commettre un crime, peut-être? Ah non. Ah. Est-ce que vous mangeriez un râteau cru pour moi, un jour, pour me donner de l'appétit? Un râteau cru? Pourquoi un râteau cru? C'est une idée, je voulais savoir. Bonjour, mon cher grand acteur. Bonjour, bonjour, mon cher directeur. Dites-moi, vous savez qu'on répète en costume? Alexandra est déjà habillée. J'y vais. Vous montez vous habiller aussi, mon petit? Elle n'est que du 5, elle a bien le temps. Je vais lui parler de son contrat. Ah bon? À ce soir, peut-être. Après la répétition, montez dans une minute dans mon bureau. Un doigt de Porto, deux biscuits, nous le signerons, ce petit contrat. Vous savez, j'ai crié l'autre jour, mais c'était pour la forme. Bien entendu, vous aurez vos 7 francs. Est-ce que cela vous fera plaisir, une petite avance? Oh, bien sûr. Ah, montez me voir après la répétition. Et pas la peine d'en parler à Madame Alexandra. Vous savez qu'elle est un peu serrée. Moi, je suis un vrai papa gâteau. Avec moi, les choses s'arrangent. Merci, Monsieur Desfournettes, vous êtes gentil. Ah, pas avec tout le monde, pas avec tout le monde. Dites-moi, mon petit, qu'est-ce que j'ai entendu? Vous n'avez que cette robe-là? Oui. Ah, il faudra tâcher de remédier à cela. J'ai un couturier qui me fait des prix. Qu'est-ce que vous diriez d'un petit ensemble de printemps, noisette, comme on les fait cette saison? Je vous vois tout à fait en petite noisette avec un peu de vert au chapeau. Oh non! Si vous voulez bien, une toque de fourrure et le manteau pareil. J'ai vu une dame qui portait cela tout à l'heure rue Trivoli, c'était beau. Eh bien, soit, avec un petit peu de fourrure pour garnir. Nous irons voir cela tous les deux, un de ces jours. Oh, seulement, je n'aurai jamais assez d'argent avec mes 7 francs. Ah, nous nous arrangerons. Mais c'est un secret entre nous. Comme vous êtes bon, monsieur Desfournettes. Oui, oui, on me fait une réputation dans ce théâtre, mais au fond, c'est vrai. Je crois que je suis bon. Montez donc voir à mon bureau, c'est promis. Où est-elle, ma petite muse? Elle est là avec moi. Oh, savez-vous, Desfournettes, que je ne peux plus me passer d'elle? Savez-vous qu'elle m'inspire, cette petite? Cette nuit, je lui ai fait 6 verres de plus. 6 verres? Rien que pour moi? 6 verres de 12 pieds pour vous, petite colombe. Et je crois bien que c'est ce que j'ai écrit de meilleur. Vous voyez devant vous un homme qui n'a pas fermé l'œil de la nuit à cause de vous. Vous non plus? Personne ne dort dans ce théâtre. Comment, moi non plus? Dites-moi, Robinet, vous savez que la pièce est déjà longue. Ne rallongez pas trop, tout de même. Mais mon cher directeur, cette petite sera la révélation de la soirée. Je peux lui mettre un tunnel de 25 vers. Le public ne se lassera pas de l'écouter. Ah, tout de même. Elle débute et au 5e acte... Taisez-vous, elle a un immense talent. Faites-moi confiance, mon cher directeur. D'ailleurs, je vais la faire travailler moi-même, c'est tout dire. Pouvez-vous passer chez moi, chère petite colombe, après la répétition? Un doigt de Porto, deux biscuits, et nous ferons du bon travail. J'ai ma voiture, je vous emmènerai. Après la répétition, impossible, elle a justement un rendez-vous. Elle le décommandera, nous passons le 22, il faut qu'elle travaille, cet enfant. Desfournettes, travaille avant tout. Ah, il faut tout de même aussi qu'elle signe son contrat. Ah, c'est l'affaire d'une seconde. Montez donc le chercher tout de suite. Ah, il n'est pas prêt. Desfournettes, il s'agit de la pièce, nous passons le 22. Son rôle est capital. Après la répétition, c'est chez moi qu'elle viendra. Armand est entré et les écoute. Je vais vous mettre d'accord tout de suite. Comme elle ne peut pas jouer toute nue, ce que nous regrettons tous, et qu'on a tout juste le temps de lui faire sa robe après la répétition, c'est moi qui l'enlève. Nous avons rendez-vous chez le costumier, messieurs. Si vous voulez vraiment passer le 22. C'est bon, je vous verrai demain, mademoiselle. Mais c'est tout de même malheureux que tout passe avant le texte. Poète chéri... Maman vous demande. Je la quitte à l'instant, mon cher. Entre-temps, elle a réfléchi et elle trouve le béquet trop long. Comment trop long? Mais voilà 8 jours qu'elle le rogne. Il n'a plus que 4 vers, le béquet. Réflexion faite, elle voudrait seulement dire le dernier. Seulement le dernier vers, un vers tout seul. Mais avec quoi voulez-vous qu'il rime? Je ne sais pas, je ne suis pas poète. Cette fois, c'en est trop. Qui est l'auteur de cette pièce? On dit que c'est vous. Eh bien, je la retire de l'affiche. Nous verrons si nous passerons le 22. Oh, mais c'est terrible, qu'est-ce qui va arriver? Mais rassurez-vous, rien. Vous ne savez pas ce que c'est que le théâtre. Il fera sa coupure, voilà tout. L'essentiel est que je vous ai sauvé de ces deux vieux papillons. C'est amusant. Quoi? Les hommes. Oui, beaucoup. Cela tourne autour de vous en roulant des yeux blancs. Ça vous raconte que ça n'a pas dormi de la nuit. Qui est-ce qui n'a pas dormi de la nuit? Monsieur Dubartas. Et monsieur Potcherie non plus. Desfournettes a dormi, lui, le mufle? Oui, mais il veut me donner une avance. Et un petit ensemble de printemps, couleur noisette. Et votre choix est fait? Pour le petit ensemble? Ah oui, couleur noisette, c'est très bien. Non. Ne faites pas l'idiote avec moi, entre les donateurs. Ah, mais il n'y en a qu'un qui le propose. Les autres offrent seulement des insomnies et un doigt de Porto. Et c'est le plus vilain qui offre la robe. C'est toujours comme ça. Pas de bêtises. Vous savez que c'est moi qui suis le gardien de l'honneur. De quel honneur? De la famille. Je serais obligé de les gifler tous les trois, oh. 6 balles sans résultat. C'est beaucoup pour un seul homme, ayez pitié de moi. Mais ils ont les meilleures intentions du monde. Ils veulent seulement me faire travailler. Ah, eux aussi, ils n'ont trouvé que cela. Ils n'ont décidément pas beaucoup d'imagination. N'est-ce pas ce que vous m'avez proposé pour que je vienne chez vous? Oui, mais moi, c'était pour l'amour du théâtre, pour que vous soyez reçus au conservatoire. Et la preuve, c'est que je ne vous ai même pas offert le doigt de Porto. Oh, je l'ai remarqué. Je mourais de soif, justement, hier. Rien qu'un manuscrit et debout dans la salle à manger gothique. Ce n'est pas que je sois un janséniste, mais le doigt de Porto assis côte à côte sur un divan plein de coussins, j'ai eu peur que cela ne soit trop pour moi. Je ne sais pas du tout ce que vous voulez dire. Moi, si, très bien. Quand je m'amuse, mais quand je garde l'honneur de la famille, je le garde. Bon. Eh bien, puisque nous allons chez le costumier ce soir et que je ne pourrai pas venir chez vous comme d'habitude, voulez-vous que nous répétions ici au lieu de dire des bêtises en les attendant? Allons-y, mon cœur. J'ai ma brochure, elle ne me quitte plus. Alors... Cela vous ennuie peut-être de me faire travailler ma scène? Affreusement. Parce que si cela vous ennuyait vraiment trop, je pourrais peut-être demander à monsieur Dubartas. Je crois que lui, ça n'ennuierait pas. Pas assez, ma chère âme, pour mon coup. Allons-y, prenons la fin qui n'allait pas hier, et puis après nous filerons la scène. Et si je vous disais, monsieur, que je vous aime? Je ne vous croirais pas. Et si je vous disais que j'ai beaucoup de peine? De la peine avec ces yeux-là? Allons donc. Comment pouvez-vous savoir ce que disent mes yeux? Vous ne les regardez jamais. Eh bien, voilà. Je les regarde. Ah non, monsieur, pas trop au fond, je vous en prie. Je vais rougir maintenant. Petite fille, tu as voulu jouer au jeu de l'amour et tu es prise au piège maintenant, étonnée de te sentir pour la première fois toi-même. Et tu trembles au bord du baiser, car tu le sais, enfant, que je vais prendre tes lèvres, n'est-ce pas? Et tu en meurs d'envie comme moi. Oui, monsieur le comte. Voilà, il l'embrasse. Mes chevaux, ma chaise, basque, champagne, mes gens, holà! Demain, je serai à Versailles et je me jetterai aux pieds du roi, etc., etc. C'était mieux qu'hier? Cher ange, vous êtes le diable. Avez-vous appris tout cela? Je dis comme je sens. Ce n'est pas plus difficile que ça, jouer des pièces. Pour vous, non, il faut le croire. C'est dans les bras de Julien que vous vous figurez être pour jouer si bien. Oh non, le pauvre, il ne me dirait pas ces mots-là. Dans les bras de Dubartas, peut-être? Non. Mais vous pensez que vous êtes toujours Colombe? Oui, une autre Colombe qui aime le conte comme c'est écrit. Et tout à l'heure, quand nous dirons la scène des adieux, vous vous sentirez très malheureuse? Pas vraiment, mais j'aurais tout de même envie de pleurer des vraies larmes. Julien vous a fait pleurer déjà? Quelquefois. Quand vous pleurez pour votre rôle, c'est à ces larmes-là que vous pensez? Oh non, ce ne sont pas les mêmes. Mais cela coule tout pareil. Sauf que je ne suis pas vraiment triste tout au fond. Et tandis qu'avec Julien, vous êtes toujours vraiment triste tout au fond, comme vous dites, quand vous pleurez. Forcément, puisque c'est dans la vie. Vous êtes certaine que vous n'avez jamais pleuré avec lui une seule petite fois sans être vraiment triste tout au fond? Un accident est si vite arrivé. Pourquoi me demandez-vous cela? Pour m'instruire, mon cher ange. Je ne peux pas arriver à croire que cette gracieuse faculté que vous avez de pleurer sur commande, vous n'ayez jamais songé à vous en servir. Vous me croyez donc une menteuse? Que le vilain mot! Il faut être bien naïf, ma chère, pour traiter une femme de ce nom. Ou alors il faudrait qu'elle se soit laissée entraîner à une déformation extrêmement sotte et grossière. Mais la vérité des femmes est une chose si immensée, si fragile, si mouvante. Il n'y a que les hommes des bois comme Julien pour se figurer que c'est une dame toute nue qui sort d'un puits avec un miroir de poche. Je n'aime pas quand vous dites du mal de Julien. Pourquoi? C'est un vrai homme, lui. Je sais, mon cœur. Je sais. Et les femmes adorent les vrais hommes. Il leur en faut bien pour jouer leur jeu. Avec des coquins de mon espèce, toutes ces grandes ressources inutiles, avouez que ce serait navrant. Mais le jeu joué avec les vrais, vous verrez que c'est tout de même agréable. Quoi? Les hommes comme moi, ceux qui savent à quoi s'en tenir. On peut déposer les armes un instant, mettre ses pantoufles, quitter cet air offensé, par exemple, et rire, comme on en a envie. Ça doit être tellement harassant d'être toujours femme. Allons, allons, allons, allons. Puisque je vous dis que nous sommes entre nous. Ah, vous êtes terrible, Armand. Pas plus que vous, mon cher cœur. Allons, allons, nous la reprenons. Une dernière fois, hein, cette scène, avant que les grandes personnes envahissent le plateau. Si vous voulez. Venez là. Et si monsieur Dubartas me trouve dans vos bras? Ah bah, de toute façon, c'est moi qui gifle. Venez. Si je vous disais, monsieur, que je vous aime? Je ne vous croirais pas. Si je vous disais que j'ai beaucoup de peine? De la peine avec ces yeux-là? Allons donc. Comment pouvez-vous savoir ce que disent mes yeux? Vous ne les regardez jamais. Eh bien voilà. Je les regarde. Démon, sale petit démon. Il faudra tout de même ne pas faire trop de mal à Julien. Le couloir des loges. Madame Georges est assise sur sa chaise à la même place. Julien fait les 100 pas, habillé en militaire. Capote bleu marine, au coin retroussé, pantalon garance, képi à pompons, baïonnette. C'est sa loge? Oui. Il n'y avait personne à la maison. Revenir comme ça sans crier gare, c'est qu'on ne s'y attendait pas, nous autres, monsieur Julien. Nous avons eu une permission de 24 heures, parce que nous avons changé de général. Je n'ai pas eu le temps d'avertir. Voyez-vous ça? Et le nouveau, il est plus conciliant que l'ancien? Ça doit se valoir. Il faut pas mal répondre avec lui, monsieur Julien. Il faut toujours être bien poli. Rassure-toi, Georges. Un soldat de seconde classe a très rarement l'occasion d'être impoli avec le général. Ah, tout de même, il ne faut pas faire la mauvaise tête. Quand vous le rencontrez, monsieur Julien, il faut toujours bien ôter votre képi. Excellente idée, il me ferait fusiller. Ils sont si sévères que ça? Avec vous, on ne sait jamais si c'est pour rire. Avec eux non plus. Aussi, j'aime mieux m'en tenir au salut réglementaire. T'es même pas rentré dîner. Oh, vous savez, la vie d'artiste, on n'a pas toujours son temps. Il y avait une femme à la maison. La belle-sœur de la concierge qu'elle paie maintenant pour garder le petit le soir. Oh, vous voyez, monsieur Julien, vous pouvez être tranquille. Il a tout ce qu'il lui faut, le chérubin. Oh, pour ça, madame Julien, elle est parfaite. Tous ses sous, c'est pour lui. L'autre jour, elle lui a acheté un burnous tout en soie, brodé main, qui valait peut-être 60 francs. Vous savez qu'ils l'ont augmenté? Déjà? 10 francs par jour qu'il lui donne maintenant. Faut dire que dans la reprise, elle a un bien plus grand rôle, 23 lignes. C'est beau pour son début. Oh, c'est qu'il s'en est passé des choses depuis 3 mois que vous êtes partie. Madame Julien vous a écrit? Pas beaucoup. D'abord, la femme et le serpent, ça a été un four. Monsieur Poète Chéri en a été malade. Madame et lui s'en sont dit des insultes. J'en rougissais moi-même. Oh, du beau monde comme ça, on croirait pas. Ça en sait des mots sales. Est-ce qu'elle arrive tard? Qui? Colombe. Elle est à son entrée au début du 1. Elle ne va pas tarder maintenant, à moins que Monsieur Armand l'ait amené dîner, qu'il la reconduise au dernier moment en voiture. Armand l'a emmené dîner? Quelquefois, la pauvrette. Ou bien Monsieur Dubartas. C'est rare pour un grand premier rôle d'être aimable avec une petite qui débute. Surtout lui qui garde ses distances. Mais avec elle, il est tout miel. Monsieur Poète Chéri, pareil. C'est toujours des fleurs et des compliments. Comme si elle avait le premier rôle dans la pièce. Jusqu'à Monsieur Les Fournettes, qui est toujours bien poli. Ah, on peut rien dire contre eux. Ils sont tous très gentils avec elle. Vraiment? Bah forcément, une pauvre petite femme toute seule que son mari a dû laisser. Ça fait pitié. On essaie de la distraire. Ils ont bon cœur, quoi, ces messieurs. Faut croire. Ah, et puis entre nous, Monsieur Julien, c'est pour vous surtout qu'ils font ça. Pour vous enlever du souci de la savoir seule. Ah, ils vous aiment bien tous, allez, malgré votre mauvais caractère. C'est à leur façon d'agir avec Madame Julien qu'on voit qu'ils vous aiment bien. On lève dans 10 minutes. Mais Madame n'est pas encore là, ni Madame Julien non plus. Ah, je ne veux pas le savoir, je fais mon métier, moi, je ne dîne pas en ville. On lève dans 10 minutes. Oh, Monsieur Julien. Oh, ça, c'est une surprise. Vous avez donc une permission? Oui, tu vois. Ah, c'est la belle vie maintenant dans l'armée française. Toujours en balade. Ah, c'est pas comme de mon temps. Alors, vous revenez prendre un peu l'air du théâtre, Monsieur Julien? Oui. Ah. J'ai reçu ta lettre, la surette. Ah oui? Déjà, Monsieur Julien? Hier soir. Ça va vite tout de même, les postes. On croirait pas. Ils sont entrés dans la loge de Colombe. Je te remercie de m'avoir écrit. Qui est-ce? Voilà le hic. Voilà où cela commence, Monsieur Julien. Ce serait trop beau si on pouvait entrer tout de suite dans le rôle avec la certitude aussi. C'est comme tout, d'être cocu, c'est difficile. C'est pas donné à tout le monde, cela s'apprend. Parle, ou je t'assomme. Ne serrez pas, Monsieur Julien. Mm-hmm. Ne serrez pas, c'est inutile. Non, de toute façon, ce n'est pas moi, je suis trop laid. Mais ça, au moins, vous en êtes sûr. Avec qui sort-elle habituellement? Ah, ça commence. Ça me fait plaisir. Un bon cocu doit être méthodique, c'est l'ABC. Moi, je ne peux que vous aider de mes petites lumières. Un confident de tragédie, c'est tout. L'intuition, l'éclair de Gédi, cela viendra de vous. Ils sont quatre. Quatre? Possible. Pas sûr. Ce serait trop beau. Armand, Dubartas, Poète Chéri, oui, de l'Académie française, et Monsieur Desfournettes soi-même, le directeur. C'est du beau monde. Si vous voulez, négligeons le coiffeur qui la coiffe un peu trop souvent, quoique ce soit un homme qui plaise aux dames. De gros biceps, très important. Il pue. Le faux. Et cela n'est pas à négliger. Cela peut plaire. Axiome capital, le cocu doit renoncer à sentir par lui-même, à voir par ses yeux. Cette fidélité à son jugement d'homme risque de l'égarer à jamais. La plupart des cocus piétinent parce qu'ils imaginent un amant de leur femme susceptible de leur plaire à eux. Alors, 5, avec le coiffeur. Ne vous effrayez pas, j'ai connu un capitaine qui a soupçonné toute sa compagnie. Je vous laisse à penser des doutes des colonels. Je les assomme tous les 5. C'est faisable, mais c'est sommaire. Cela ne vous apportera aucun apaisement, même si le vrai est dans l'eau. Le drame du cocu, c'est le drame de l'homme, la connaissance. Les coups, cela ne vient qu'après, ce n'est rien, c'est du luxe, les coups. Faut savoir. Elle va arriver. Je l'interrogerai. Bon, jeune homme. Ils ont tous cette illusion. Comme cela, vous serez sûr de ne rien savoir, jamais. Mais Colombe, même moi. C'est possible, mais n'allez pas croire que cela va simplifier votre cas. Je l'ai laissé seul dans ce milieu pourri comme un imbécile, voilà tout. C'est un oiseau. Oui, mais les naturalistes vous diront que c'est difficile à connaître, au juste, les mœurs des oiseaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devenez ça. Prendre le conseil des anciens d'abord. Vous en aurez besoin dans ce monde étrange que vous allez voir fleurir autour de vous, maintenant. Elle va entrer dans une minute, vous sourire, vous embrasser, et prenez garde, tout va devenir normal. Beaucoup trop normal. Autour du cocu, la vie se fait bizarre, les coïncidences, les coups du sort se mettent à abonder plus que dans n'importe quelle autre vie. Seulement, les lettres qui n'arrivent pas ou qui arrivent trop vite, les téléphones qui sonnent, il n'y a personne au bout du fil, les objets inconnus, la veille qui traîne sur les commodes, les amis qu'on n'avait pas revus depuis 10 ans et qui vous retiennent tout l'après-midi, tout ce qui dans la vie ordinaire garde un certain mystère, tout ce qui ne s'explique pas va devenir absolument clair. Tout. Vous entendez ? Tout va vous être expliqué avec une rigueur scientifique, mathématique, policière, et vous pourrez vous épuiser. Tous les alibis seront exacts, abominablement exacts. Vous êtes prêts maintenant. La vie, l'honnête vie était raisonnablement mystérieuse. Dorénavant, elle va avoir insolitement réponse à tout. Mais attention, toutes ces réponses seront des questions nouvelles pour vous. Vous êtes prêts comme un rat. Il va falloir danser la danse. L'employé de gaz qui sonne trop tôt le matin, ce ne sera plus un simple employé de gaz, ce sera une question. Le nouveau chapeau qu'elle aura acheté la veille, ce sera une question. Une chanson sur sa bouche, une question. Son silence, la couleur de son rouge à lèvres, une autre question. Et les questions, c'est un collier de perles. Cela s'enfile, cela se déboîte les unes des autres à l'infini, comme les petites fleurs japonaises. Il n'y a plus aucune raison de s'arrêter. Vous allez devenir une question vivante sur deux pattes, un gros point d'interrogation qui bourdonne et se pose partout. Non, je ne lui demanderai rien. Si! Et quand vous aurez fini de la questionner, elle, ce ne sera pas fini. Vous vous questionnerez vous-même, vous douterez de tout. Vous finirez par croire vous aussi que vous avez peut-être tout inventé jusqu'au jour du grand gala, inévitable, où vous en arriverez à vous demander tout seul, devant votre glace, comme un imbécile, si au fond, tout cela n'est pas votre faute et si vous ne l'avez pas voulu. Vous serez mûr ce jour-là. Un vrai cocu. Attention. La voilà. Ou vous voulez que je vous aide et vous m'écoutez, ou je vous laisse patauger tout seul. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous cacher d'abord. Se cacher toujours. Autre axiome, le cocu doit voir sans être vu. Où ? Dans l'armoire, comme tous les cocus. Et vous pouvez renifler ses robes. Cela vous rappellera le bon temps. En scène pour le 1 ! Ne beuglez pas comme ça, imbécile ! On les fera quand je serai prêt. C'est encore vous qui doublez tout Lazare ce soir ? Oui, madame chérie. Ça va être gai. Où est-il ? Où est-il ? Georges ? Georges, où est Julien ? Elle rentre dans sa loge et voit Julien qui est sorti du placard. Oh, mon chéri ! Et d'où sors-tu ? Du placard. Mais pourquoi étais-tu dans le placard ? Pour te faire une farce. Oh, mon chéri, mon chéri. Oh, quel bonheur. Comme ça a été long, tu sais. Plus long encore que tu ne peux l'imaginer. Oh, mais toi, tu étais occupé. Tu avais quelque chose à faire. Les batailles, les charges, le demi-tour réglementaire, le salut aux officiers. Ta petite femme, elle était toute seule à t'attendre. Oh, comme c'est bon. Oh, comme c'est bon. Oh, comme tu es beau en soldat, on dirait un général. Pas encore, mais c'est une chance, le bleu me va bien. Ils vont te faire avancer en grade. Si tu veux, je connais quelqu'un... Madame Chéri connaît quelqu'un au ministère. On pourrait leur écrire. Merci. Oh, ils t'ont fait beaucoup marcher, mon chéri. Oh, assieds-toi, assieds-toi tout de suite. Tu dois être tellement fatigué. Combien t'ont-ils fait faire d'une seule traite, le plus ? 25 kilomètres. Mais au retour, ils ne vous permettent pas de prendre le tramway ? Non. Et vous devez faire vous-même votre linge et votre ménage ? Ben, cela doit être du joli. Naturellement, tu n'as pas eu le temps de penser à moi. Si, tout le temps. Nous, on dit ça. Mais quand vous êtes tous ensemble entre hommes, vous ne devez penser qu'à vous dire des horreurs. Oh, mon chéri, toutes ces nuits sans moi. Tu n'as pas trouvé ton lit trop grand ? Tu sais, il est très petit. Ah, tu vois, pendant son des vacances. Bon, de bord, on respire un peu, on fait le jeune homme, enfin. Et tant pis pour la pauvre petite femme qui reste toute seule la nuit. Elle n'a plus qu'à mettre des bouillottes dans son lit si elle a froid. Est-ce que cela peut être égoïste, les hommes ? Et le petit ? Il va bien. Comment trouves-tu mon petit ensemble de noisettes ? Très joli. Mais cela doit valoir très cher. Non, presque rien. J'ai trouvé une couturière qui me fait des prix et puis je la paie à crédit. D'ailleurs, je gagne beaucoup d'argent, tu sais, maintenant. Je vais pouvoir t'envoyer des petits mandats. pour faire ton garçon au camp de Chalon. Tu iras les manger avec les filles. Il n'y a pas beaucoup de filles, tu sais, au camp de Chalon. Oui, je me suis renseignée, il y a des permissions de minuit. Ah, vous devez en faire de belles. Je suis sûre que tu m'as trompée. Ne dis pas non, tu mentirais. Non, pourtant. Et toi, Colombe? Oh! Oh, mon chéri! Moi! Oh, mais tu veux rire? Je n'en aurais seulement pas eu le temps. Tu sais que j'ai 25 verres dans la nouvelle pièce. Oh, il a fallu travailler dur. Tu vas venir m'applaudir dans la salle. Tu vas me voir en marquise. Tu ne la reconnaîtras pas, ta femme. Oh, je vais avoir un trac de savoir que tu seras là. Oh, mon chéri, mon gros petit chéri. Oh, comme c'est bon que tu sois venu. Tu as bonne mine. Oui. C'est bien de ne pas se voir un moment, parce qu'on est content de se retrouver. Tu veux bien que je me déshabille? On va lever tout de suite, je suis en retard. Tu as combien de jours de permission? 24 heures. 24 heures seulement? Mais tu ne peux pas leur dire que tu as raté le train? Non. Oh, mais mon chéri, ça va être terrible. Justement, ce soir, je suis invitée à souper par des gens très importants pour moi. Enfin, ce serait trop long à t'expliquer tout de suite. Et demain, je répète toute l'après-midi. Tu n'iras pas souper avec ces gens, voilà tout. Mon petit Julia, c'est impossible. C'est tout mon avenir qui est en jeu. C'est le mien aussi. Et c'est court, tu sais, un avenir de militaire. Allons, n'y pas de bêtises. Toi, tu auras d'autres permissions. Moi, une chance comme celle-là, mais je ne la retrouverai peut-être pas. Mais il s'agit de gens très influents, tu comprends, qui peuvent me faire engager aux Folies Bergères. On cherche une jeune femme dans mon genre pour faire l'impôt sur le revenu dans la prochaine revue. Oh, mais je serai habillée, mon chéri. Sans ça, tu penses, je n'aurais même pas accepté d'essayer. L'impôt sur le revenu, forcément. Il paraît que j'aurai 2000 francs de fourrure sur le dos et seulement une jambe nue. Bon, une jambe, ce n'est pas une affaire. Tu comprends bien que ça n'a aucun rapport avec ces petites femmes qui sont là pour montrer leur sein. Ne me parle plus de ces ordures. Tu rentreras avec moi ce soir, Colombe. Naturellement. Tu n'es pas encore revenu. Il faut déjà que tu cries. Oui, je crierai. Oui, je crierai et je casserai tout s'il le faut. Mais je te jure bien que cela ne se passera pas comme ça. Mais quoi, mon chéri? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ne fais pas l'innocente. Mais non, mon chéri. Mais moi, je ne sais rien. Dubartas sort de sa loge à demi habillé et va cogner à la porte de Colombe. Toc, toc, toc. Tu es là, mon petit chat? Je voulais te dire de faire très attention. Ah, pardon. Pardon. Bonne permission? Oui. Bravo! C'est le péquet, mon petit chat. Oui, monsieur Dubartas. Bravo! Bravo, on laissait ce soir. Pourquoi t'appelle-t-il mon petit chat? Je ne sais pas, parce qu'il est très gentil. Il m'a beaucoup aidé pour mon rôle. Et il te tutoie? Mais tout le monde se tutoie au théâtre. Ce n'est pas à moi de te l'apprendre tout de même. Il tutoie aussi ta mère. Des fournettes a surgi, affairées et importants. Toc, toc, toc, toc. Vous êtes là, mon petit rat. Allons bon, un rat maintenant. Je voulais vous dire de faire très attention, mon petit rat, parce que... Oh, pardon. Pardon. Je venais faire une recommandation à ta femme. Cela va bien? Cela va bien. Tiens, bonne mine. Merci, tout le monde me l'a dit. Je voulais vous dire qu'on levait à l'heure aujourd'hui, hein? Pas de retard, n'est-ce pas? Pas de retard. Pas de retard. Mon petit rat, cette vieille loque. C'est ignoble. Oh, toi, tu vois le mal partout. Tu ne veux pas qu'on me traite de chat, tu ne veux pas qu'on me traite de rat. Et de quoi veux-tu qu'on me traite à la fin? Je ne peux pourtant pas exiger qu'il m'appelle madame. Pourquoi es-tu devenue l'amie de ces pantins? Mais je ne suis pas leur amie. Je les vois tous les jours, je travaille avec eux, voilà tout. Tout le monde ne peut pas se permettre d'être aussi désagréable que toi. Tu vois où cela t'a mené, toi, dans la vie, de n'être l'amie de personne? Et puis ces pantins, comme tu dis, m'amusent. Je n'ai pas eu l'occasion de m'amuser si souvent jusqu'ici. C'est pas vrai, ils ne peuvent pas t'amuser. Comment peux-tu le savoir? Parce que je te connais mieux que toi, Colombe. En es-tu sûr? Oui. Et je te jure que tu finiras bien par te ressembler, que tu le veuilles ou non. Mon pauvre Julien. Eh bien, les tourtereaux, on est contents de se revoir. On est ravis. C'est bon de retrouver sa petite femme et que tout le monde dise qu'elle est ravissante et qu'on voudrait bien la voir. Mais Bernick, c'est pas pour les autres. Les compliments tant qu'on voudra, c'est tout. Ça se garde pour son petit mari. Gardez-moi cette belle petite poitrine, monsieur Julien. On en mangerait. On dirait que cette mode-là avec les décolletés où on voit tout, c'est fait pour elle. À madame chérie, il faut que je lui enfonce des morceaux de fer pour que ça tienne. Là, pas de danger, c'est du gâteau. Aussi, il faut vous dire qu'elle en a du succès dans la pièce. Monsieur poète chéri, il croit que c'est pour ses beaux vers qu'on vient. Allons donc. Faut pas lui dire, c'est pour voir madame Colombe que tout joliment lui fait la queue. Les femmes, pareil. Elles voudraient pas, mais les messieurs les entraînent. Nous autres, habilleuses, nous nous renseignons de théâtre à théâtre. Ça s'est répandu dans Paris qu'on avait une débutante qui promettait. On ne parle plus que de ça, il paraît. Ça doit vous faire plaisir, monsieur Julien, de voir que votre petite femme, elle a du succès comme ça. Je pète de joie, je n'en peux plus. Sans compter que ça rapporte. Bientôt, vous pourrez vous prélasser sans rien faire. Et c'est elle qui nourrira toute la maison. Poète chéri est apparu dans le couloir. Toc, toc, toc, toc, toc, toc. Vous êtes là, mon petit loup ? Oui, je suis là. Oh, pardon, pardon, mille pardons. Je voulais seulement vous dire de faire attention. Non, rien du tout, rien du tout. C'est pas ce que je dis, ou plutôt aussi, c'est l'énervement. Voilà, le roi d'Espagne est dans la salle. Jouez bien, petite madame, ce soir. Encore mille fois, pardon. Je vous laisse vous habiller. Un loup, maintenant. Ils y passeront tous. C'est une fable de La Fontaine. Comment as-tu pu permettre à ce grotesque de t'appeler mon petit loup ? Je t'avais interdit de lui parler. Mais c'est l'auteur de la pièce. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? À moi, mon petit chat, mon petit rat, mon petit loup, quoi encore? Et à quoi veulent-ils que tu fasses attention tous? À moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu m'ennuies maintenant, Julien. Et tu leur souris, tu minaudes avec tes lèvres peintes, tu ronronnes, essuie tes lèvres, tout de suite. Je ne veux plus te voir comme ça. Mais monsieur Julien, vous n'allez pas lui abîmer son maquillage. C'est son métier de plaire à présent. Vous n'allez pas l'empêcher d'être jolie et de sourire tout de même. Allez me la disputer au moment d'entrer en scène. C'est pas la peine d'avoir eu une maman du métier. Oh, regardez-moi ce petit ange, elle a les larmes aux yeux maintenant. Si ça coule avec son rimmel, ça va nous faire toute une histoire. Ne l'écoutez pas, madame Julien. Les hommes, c'est tous les mêmes, ça ne comprend jamais rien. Moi, quand j'ai débuté au théâtre en 87... Laisse-nous seul maintenant, Georges. Pas si bête. Je m'en vais pas si vous devez la faire pleurer. C'est vilain, la fin d'agir comme ça, monsieur Julien. Regardez-moi ce petit chérubin, on lui donnerait le bon Dieu tout de suite. Ça n'a rien fait de mal et ça se fait agonir comme une traînée. Je vais vous dire, vous ne la méritez pas, votre petite femme, monsieur Julien. Elle est trop belle, elle est trop bonne pour vous. Tu vas sortir, bon Dieu ! Quand je te le demande ! Mais c'est ça, des brutalités, maintenant ! Vous voyez, madame Julien, tous les mêmes. Ça ne sait cogner les hommes, ça ne comprend pas. Qui est-ce ? Mais qui, mon chéri ? Ton amant. Julien ! Mais tu rêves ! Mais je n'ai pas d'amant. Je veux son nom. Je veux son nom tout de suite. Dis-le. Mon chéri, comment veux-tu que je te dise un nom que je ne connais même pas? Inutile de nier, Colombe. J'ai des preuves. Je sais que tu as un amant. On t'a vu, on t'a suivi. On m'a écrit. Qui a osé t'écrire? Tu vois? Tu as peur! Tu te troubles. Inutile de jouer l'étonnement plus longtemps. J'ai une lettre dans ma poche où on me dit tout. À vous maintenant. Je veux savoir qui t'a écrit. Mais ça ne te regarde pas. Une lettre anonyme, bien sûr. Tout le monde se hait dans ce métier, tout le monde se jalouse. Mais interroge-les comme un policier maintenant que tu as commencé. Va glaner les ragots dans la loge du concierge ou dans les coulisses. Tu en apprendras bien d'autres sur moi, mon pauvre bonhomme. Ce n'est pas un amant qu'on me prêtera, c'est 10. Encore heureux si ce n'est pas des vices. La lettre anonyme, c'est leur passe-temps, en attendant des rôles qu'on ne leur donne jamais. Toi qui as traîné dans les coulisses tout petit, je pensais que tu aurais appris à les connaître. Mais c'est plus facile de croire tout de suite une saleté, plutôt que de faire confiance à sa femme. La première petite chipie, le premier maniaque qui pique ta jalousie imbécile et ta vanité blessée, c'est lui qui a raison, c'est lui qu'il faut croire. Même s'il ne signe pas. Pas moi. Il y a 2 ans que nous avons vécu heureux. Ma fidélité, quand tu étais pauvre et que je faisais ta vaisselle, ça ne compte pas, bien sûr. Tu crois que c'est la première fois, pauvre imbécile, que les hommes tournent autour de moi? Tu crois qu'il n'y en avait pas à chaque coin de rue, quand j'allais faire ton marché, sans gants, l'hiver, avec 3 francs dans mon porte-monnaie, pour me proposer une autre vie plus heureuse? Et les robes, et les sorties, et tout ce dont j'avais envie? Mais oublie ces jours-là, oublie tout, et salis-moi maintenant! Oh mon Dieu, ce que je suis malheureuse! Pardon, Colombe. Oh, pardon, c'est facile, pardon. C'est fait maintenant. Je sais que tu crois n'importe qui plutôt que moi. Je veux te croire. Elle était signée, cette lettre. Oui. Dis-moi son nom à cette chipie. Ah, celle-là, si je la tiens, elle verra ce que j'en ferai de son chignon. C'est un homme qui m'a écrit. Oh, je vois qui c'est. Oh, quel âge! Oh, pauvre sot! Bon, tu ne comprends donc pas que ce sale individu t'a écrit pour se venger. Parce qu'il m'avait fait de sales propositions et que je l'ai remis à sa place. Qui t'a fait des propositions? Qui? Dis-moi son nom tout de suite. J'exige de savoir son nom. Non, non, dis-moi son nom d'abord, toi, pour que je vois si c'est bien lui qui t'a écrit. Dis-moi seulement la première lettre et je devinerai. C'est un P, n'est-ce pas? Non. Alors c'est un R. Oh, je suis sûre que c'est lui maintenant, que c'est lui ce grand dégoûtant-là. Ni un P, ni un R. Oh, bah, ce n'est pas un W tout de même. Celui-là, je le crois capable de bien des choses quand une femme lui refuse, mais pas d'écrire à son mari. Ce n'est ni un P, ni un R, ni un W. Mais il y a donc trois hommes qui auraient pu m'écrire. Oh, mais tous! Tous, mon pauvre biquet! Tous ceux à qui on tape sur les mains quand ils veulent vous prendre par la taille dans les couloirs. Tous ceux à qui on éclate de rire au nez quand ils vous susurrent à l'oreille avec de sales mots qu'ils ont envie de vous. Tous les hommes! Tu crois que cela peut rester tranquille, une fille, quand c'est tout seul et que c'est joli? Je veux les noms. Je veux tous les noms. J'irai les trouver les uns après les autres et je les assommerai. Les noms! Allons, les noms, tout de suite. Je l'exige. Mon pauvre chéri, il te faudrait le bottin. Vous êtes tous les mêmes. Des chiens derrière le premier jupon qui passe. Mon fel innocent, pense que tu as dû gêner toi aussi. Je ne te suivais pas toujours, moi, quand tu allais à tes leçons de piano. Je lavais les couches du petit pendant ce temps-là. Depuis que je t'aime, Colombe, je n'ai jamais regardé une autre femme. Oh, bien sûr, mon bonhomme, mon dussin. Et les demoiselles Pinteuil, les jumelles, pendant que tu leur apprenais la valse de fausse à quatre mains. Elles avaient 15 ans. Ah, justement! Et la brune louchée, mais l'autre avec ses petits airs effarouchés, sa petite poitrine qui pointait, tu laissais bafouiller la bigle, oui, mon bonhomme. Mais l'autre, tu étais toujours là pour rectifier la position de ses doigts, en te penchant au-dessus d'elle. Nie-le, mais nie-le. Moi aussi, j'ai reçu des lettres à cette époque. Et je n'ai rien dit. Les filles peintes, c'est absurde. Et la boulangère? Hein, la boulangère? Oui, oui, la boulangère. Oh, oh, oh, fais celui qui ne se rappelle pas. Tu ne voulais jamais faire les commissions, sauf quand il s'agissait d'aller chercher le pain. Et elle, qui refusait à tout le monde, elle te le donnait à crédit quand nous n'avions plus d'argent. Cette grosse blonde, avec ses gros seins. Oh, tu me dégoûtes, Julien. Je suis trop malheureuse, j'aime mieux mourir. Hein. Dans le couloir, Madame Georges, le pédicure, la surette en costume Louis XV et tous les acteurs vont venir faire un groupe muet collé à la porte de la loge. On persuade par mimique le coiffeur, qui n'y tient pas, d'entrer pour faire diversion. Madame Colombe, on va lever un petit coup de peigne? Oui, mon petit Lucien. J'en ai bien besoin. Oh, je suis dans un joli état. Vous êtes un ange, mon petit Lucien. Au moins, vous les rendez jolies, les femmes. Oh, j'ai pleuré. Regardez la figure que j'ai maintenant. Oh, vous aurez beau faire, Madame Colombe. Vous serez toujours jolie comme un cœur. Avec vous, le travail, c'est plus du travail, c'est du plaisir. Oh, heureusement que je vous ai, mon petit Lucien. Dites donc, mon vieux. Monsieur Julien? C'est si long que ça, un coup de peigne? Bah, cela dépend. Ça dépend de quoi? Et le peigne ne vous suffit pas? Il faut en plus y mettre des mains? Mais pour les boucles, monsieur Julien... Foutez-moi le camp! Foutez-moi le camp, immédiatement! Ou je vous en fais, moi, des boucles. Et une friction par-dessus le marché! Mais monsieur Julien, je suis un artiste. Moi aussi, sortez d'abord! Je vous retrouve dans 5 minutes. Et nous allons avoir une petite discussion entre artistes, tous les deux. Enfin! Ce n'est pas lui, tout de même. Mais qui, lui, mon chéri? Ton amant. Il pue, ses mains sont deux limaces. Comment peux-tu te laisser tripoter par cela? Réponds-moi, Colombe, tout de suite, avant que je fasse un scandale. Ce n'est pas lui. Ce serait trop bête, tout de même. Oh, je sais maintenant qui t'a écrit. C'est un Z. Non, ce n'est pas un Z. Tu mens! Oh, tu mens comme tu m'as menti en me disant que c'était un homme pour égarer mes soupçons. C'est une femme. Enfin, si on peut appeler ça une femme. Mais je l'ai vue. Elle sortait du restaurant au moment où nous y sommes entrés. Cette vilaine petite garce qui couche avec tout le monde. Alors je te jure que je lui dirai deux mots. Alors tout ce drame, c'est parce qu'un jour, entre la matinée et la soirée, j'étais dîner avec le coiffeur. Tu as été dîner avec le coiffeur? Il faut pourtant que je mange. Tu voudrais aussi que je jeûne pendant tout le temps que tu n'es pas là? Ce Merlin a osé t'inviter à dîner, tu lui as répondu oui? J'en sais assez. Son compte est bon, je l'assomme. Oh, tu es bête, mon chéri. Mais il est idiot, il est vulgaire. Il ne sait pas dire trois mots. Tu penses que si je te trompais, j'en suivrais un autre tout de même. Bêta, gros bêta, va. Les soirées en a, mon petit Julien. Tu aurais envie, toi, de te laisser toucher par ses mains? Moi, non, mais... Mais alors, pourquoi veux-tu que moi, j'en ai envie? Des limaces? Ah, tout à l'heure, j'aurais ri si je n'avais pas eu envie de pleurer. Des limaces légèrement humides. Oh, mon grand sot. Cela passe encore sur les cheveux parce que c'est un bon coiffeur, mais autre part. Ah non, tout de même. J'aime mieux les tiennes. Et pourquoi, au lieu de me disputer, depuis que tu es revenue, ne m'as-tu pas prise une seule fois dans tes bras? Mais qui est-ce alors? Il vaut mieux me le dire. Mais personne, mon sot. Tu rêves. Tiens, je vais te le dire, mon secret. C'est toi. Je t'aime, Colombe. Je suis malheureux. Tu ferais mieux de me le dire si tu as fait une bêtise. On peut se laisser entraîner un soir. C'est mauvais d'être toute seule. Lui, je l'assommerai et je te pardonnerai. Hein? Tu quitteras ce sale théâtre. Et nous pourrons être encore heureux. Mais mon chéri, si j'avais fait quelque chose de mal, je ne voudrais même pas que tu me pardonnes. Je me ferais horreur, moi aussi. Je ne te reverrai jamais. Non. Oh, je te jure bien que si. Moi, je ne me pardonnerai pas. Non, je ne voudrais pas te perdre jamais. J'aimerais mieux tâcher de tout oublier, qu'on se retrouve comme avant. Je ne pourrais pas vivre sans toi, moi. Je serais seul au monde. Pauvre petit Biquet, perdu, qui fait toujours peur à tout le monde et qui est plus seul que les autres. Tu es bien brave pourtant. Je ne te ferai jamais de peine. Je serai toujours bien gentille avec toi. Mais pourquoi t'appelle-t-il mon petit chat? Mais qui, mon chéri? L'imbécile. Du Bartas? Pauvre du Bartas. Il se croit irrésistible parce qu'il a été beau il y a 30 ans. Oh, alors, naturellement, il m'a fait la cour comme aux autres. Il a osé te faire la cour? Mais il pourrait être ton grand-père. Oh, justement, le pauvre. Il ne peut plus faire autre chose, alors il faut bien le laisser parler. Et mon petit chat, et mon petit coco, et ma petite fille. Oh, tu me vois avec cet épouvantail. Quand j'étais toi, bien neuf, bien gentil, bien tendre. Mais qu'est-ce qu'il a osé te proposer, ce gâteux? Oh, de venir travailler mon rôle chez lui. Tu penses si j'ai compris tout de suite? Deux doigts de Porto, un biscuit, et tout est marocain, tu parles. Il a deux tapis de l'exposition et un narguilé en faux cuivre qui ne fonctionne plus. Quand on tire sur le tuyau, on affale l'eau du vase. Et son serviteur, un marocain également, c'est toujours son jour de sortie. C'est une vieille bretonne qu'il a vue naître et qui fait le ménage chez lui. Mais alors, tu as été chez lui? Ah non, mon chéri. Ah, c'est-à-dire si. Mais pas seul, avec poète chéri, pour travailler une scène. Tu vois donc que c'est tout de même vrai ce qu'on m'a écrit. Tu sors avec eux, tu vas aller voir chez eux, tu dînes en ville. Mais puisque je te dis que j'y étais avec poète chéri, dans sa voiture. Seul avec lui? Mon chéri, il y avait le cocher. Oh, je l'ai emmené pour ne pas être seule avec du Bartas. Je ne pouvais tout de même pas en emmener un troisième pour ne pas être seule avec lui non plus. Tu ne te rappelles donc pas la scène d'il y a 2 ans? Cet homme s'est conduit comme un mufle avec toi. J'ai été obligée de le corriger. Et maintenant, il est très poli, je t'assure. Galant, mais poli. Galant, mais poli. Et tu le flattes, n'est-ce pas? Émile Robinet de l'Académie française. Cela peut donner des rôles à un homme comme ça. Parce que ça lui coûte 25 verres de plus. Hein? Cela coule comme d'un robinet. Alors... On se laisse baiser le poignet en relevant le gant, hein, petite madame? On se laisse prendre le bras dans le coupé, ou même un peu plus haut. C'est un petit moment à passer, la monnaie des petites filles. Elles n'y regardent pas de trop près quand il y a un petit bout de rôle à la clé. Et tant pis s'il est vieux, s'il est chauve et ridicule, s'il fait des petites bulles en parlant sous sa moustache au vernis noir. Saleté! Vilaine petite saleté, tu l'as fait, je le sais, tu l'as laissé faire. Ah, celui-là, il n'y coupe pas. J'avais déjà commencé il y a 2 ans, mais cette fois, je vise la figure et je ne le rate pas! Oh, mon chéri, mon cher petit chéri. Ah, c'est trop bête. Mais c'est si drôle. Qu'est-ce qui est si drôle? Que j'ai honte? Que j'ai mal? Non, non, les petites bulles. C'est vrai qu'il fait des petites bulles en parlant. Et comme il vous parle toujours de très près, quelquefois, elles éclatent et puis elles vous mouillent le nez. Il est trop ridicule, il est trop laid. Oh, tu le vois, mon biqueux. Tu me vois dans les bras de Poète Chéri. Poète Chéri ayant retiré sa redingote. Poète Chéri en caleçon. J'avoue que Poète Chéri en caleçon, ça doit être un drôle de spectacle. Oh, puis tu ne sais pas le plus beau. Il a des jartelles. Des jartelles bleu ciel que sa femme lui a brodées. L'a dit. Mais c'est connu, mon chéri. Qui te l'a dit? Des fournettes. Des fournettes? Tu as des conversations de ce genre avec des fournettes? Des conversations sur les caleçons de Poète Chéri? Où? Quand as-tu parlé à des fournettes? Non, je vais t'expliquer, mon chéri. Tu n'es pas monté dans son bureau, tout de même. Tu n'as pas été t'asseoir sur le sale petit divan vert plein de taches où il les fait payer comptant toutes pour jouer chez lui. Oh non! Plutôt si. Non, une fois. Attends, tu me laisses pas le temps de t'expliquer. Quand j'ai été signer mon contrat. Eh bien oui. Tiens, c'est vrai. C'est un dégoûtant personnage. Je voulais pas te le dire, mais tant pis, je te l'abandonne celui-là. Il a essayé, oui. Il a essayé, comme aux autres. Ah, mais je me suis défendue, tu sais. Je l'ai giflé. Je lui ai dit qu'il était vieux, qu'il était laid. Alors, comme il a cru que je lui préférais l'autre, que, dans un moment de jalousie. Alors, c'est là qu'il m'a dit pour les caleçons. Tu vois, mon chéri, que c'est vrai tout ce que je te dis. Putain. Sale petite putain. Comme les autres. J'aurai sa peau à celui-là. Colombe est tombée évanouie. Julien se jette sur la porte. Madame Alexandra, en grand costume de maréchal, qui était sortie de sa loge pour écouter avec les autres, écarte tout le monde. Et quand Julien ouvre la porte, c'est devant elle qu'il se trouve. Alors? Laissez-moi passer. Je cherche des fournettes. Alors? Il faudra toujours que tu en marres de tout le monde. Que tu cries. Que tu fasses du scandale. Partout. J'ai eu pitié de toi. J'ai pris ta femme ici. Tu ne peux pas nous foutre la paix. Maintenant! C'est vous tous qui lui avez appris à devenir ce qu'elle est. C'est toi avec tes sourires de maquerelle sur ta vieille peau, tes vieilles histoires d'amour puantes. Elle était pure. Elle était propre, comme un petit sou. Vous l'avez tous touché. Je vous hais tous! Je suis ta mère. Tais-toi. Ma mère, oui, tu es ma mère. Tu es malheureusement ma mère. Tu crois que c'est plus drôle pour moi? De l'argent? De l'argent toujours? Des tracas, des scènes idiotes comme ton père. Laisse-la tranquille, cette petite. Elle s'amuse, elle vit un peu, et après? Est-ce que vous croyez donc que c'est la vie, ton imbécile de père, et toi, de vous adorer, comme d'Edgue, parce que vous avez eu le bon goût de nous choisir? Hein? Les femmes, mon petit, cela se garde quand on a quelque chose pour les garder. Sinon, on les perd. Souris! Allez, sonne-toi, et faites descendre la petite en scène. Évanouie ou pas? Ils vont finir par nous casser les fauteuils en bas, à cause de ce petit crétin-là. En scène pour le 1! En scène pour le 1! Colombe est revenue miraculeusement à elle. Oh, je ne suis pas trop décoiffée. Non, ça va, mon petit ange. Venez vite, je vous mettrai votre robe en bas. Julien est resté seul, désemparé, dans la loge déserte. En bas, on entend frapper les trois coups. Et l'orchestre qui attaque l'ouverture de la maréchale d'amour. Arrêt Armand. Il s'avance allègrement sur la musique jusqu'à la loge de Colombe, un petit bouquet à la main. Il entre et s'arrête, surpris, voyant Julien, ne sachant plus que faire de son bouquet. Oui, c'est moi. Tu as une permission, déjà? C'est toi. C'est sûrement toi. Je ne te comprends pas, tu as l'air tout drôle. Je croyais que ça t'aurait fait plaisir de me revoir. Tu as bonne mine? Oui, j'ai bonne mine. Ce n'est pas trop dur? Si. Les pieds vont bien? Quand le pied va, tout va. L'armée française est invincible. Tu as envie de rire, toi? Non. Pourquoi? Et pourquoi, toi? Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? La facilité, l'entraînement... Tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne saurai jamais ce que c'est. Oh, bien sûr, tu vaux mieux que moi. Tu as toujours valu mieux que moi. Tu te défendais, toi. Tu étais déjà un petit homme. Moi, j'ai jamais su que traîner dans les jupes des dames, dans les coulisses, et après celle de maman, ça a été celle des autres. Voilà tout. Et ce qui fait plaisir tout de suite. Le sucre d'orge qui sent le parfum du sac, la caresse, le baiser au fard gras sur la joue. En grandissant, j'ai continué. Je suis un beau petit cochon, Julien. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais bats-moi! Bats-moi! J'aime mieux ça! Tu aurais dû le faire plus souvent quand nous y étions petits, tu m'aurais rendu service. Non, pas toi. Je voudrais... seulement comprendre. Qu'est-ce que tu veux comprendre à nos petites histoires? C'est pas pour toi, nos histoires, nos petites saletés d'hommes et de femmes. Tu auras beau chercher, tu n'y comprendras jamais rien, mon pauvre petit gars. Oh, c'est trop bête de devenir grand, c'est trop sale tout de suite. J'aimerais mieux que tu me battes, cela simplifierait tout. Ben moi, Julien, je t'en supplie, tu vois, je suis là, je peux pas résister à ce qui me fait plaisir, mais je m'étais dit, tu paieras, mon vieux, Julien te battra, il t'enfoncera les côtes et la figure, et cela te fera mal. C'est tout le petit courage que j'ai eu, ne me l'enlève pas, allez, ben moi... Non, non. Oh, la garce, la sale petite garce. Tais-toi. Pourquoi? Pourquoi? Tu crois que c'est propre ce qu'elle a fait? Hein, moi, je suis faible, c'est entendu. Quand quelque chose me fait plaisir, claquer de l'argent au poker, boire un verre de trop, lever une jupe, j'ai beau me dire non. C'est plus fort que moi, je me dis oui. Mais elle, tu l'aimais, elle. Et elle le savait que tu l'aimais. Tu peux pas dire le contraire. Tais-toi, je t'en supplie. Elle avait ton amour, elle avait quelque chose de solide, elle, cette petite saleté-là. Et le premier imbécile qui rit un peu avec elle, qui lui fait un peu la cour, voilà, tout de suite. Allez, hop. Enfin, tu trouves pas que c'est dégoûtant? Hein? Toutes les mêmes, mon vieux, toutes. Pourvu qu'on leur parle un peu d'elle, que ça leur fasse un peu plaisir, c'est oui. Mais si c'est pas pour le plaisir, c'est pour un petit costume noisette ou pour un petit rôle. Pourvu que ça leur rapporte quelque chose. C'est si facile, ça leur coûte rien. Elle pense qu'à elle, Julien, je te le jure. Alors, précieux petit moi en sucre et à ces petites impressions, nous, on n'est rien. On est seulement là pour les faire rire, pour qu'elles aient leur petit spasme ou leur petit rêve. Voilà tout. Oh, tu as de la veine, toi, mon vieux, de ne pas être l'esclave de tout cela. Et lâche en plus. Regarde-moi. Non. J'ai honte. Regarde-moi tout de suite. Je le veux. Non, ben moi, si tu veux, mais je ne te regarderai pas. Si tu me regarderas. Tu n'es même pas beau. Un petit nez droit, oui. Mais cela ne peut pourtant pas être, parce que ce cartilage entre binôtres est plus ou moins grand, plus ou moins droit. Une petite bouche de fille, mais s'ils veulent. Des yeux d'ivrogne, et l'usure de ton petit plaisir hâtif déjà partout sur ton visage. Un petit vieux de 20 ans. Tu as beau jeu, Julien. Si tu crois que je suis fier de moi. Seulement toi, tu vis dans tes rêves, tu sais pas ce que c'est que la vie. Je suis en train de l'apprendre. Tu ferais mieux de retourner d'où tu viens, de nous oublier tous. Au fond, tu es fait pour être militaire, toi. Et même pas drôle, car tu n'es pas drôle. Tes petits mots cyniques, ce sont ceux qui courent les bars et les petits journaux. Tu ne sais même pas rire, tu ricanes. Rien ne t'a vraiment touché. Tu te trompes. J'ai un cœur comme les autres. Seulement, tu ne t'en es jamais servi. Si tu étais élégant encore. Si tu avais pu l'éblouir avec ça, mais tu t'habilles comme un jockey, tu pues le mauvais goût de partout avec tes bagues, tes cravates trop claires. Mais pourquoi alors? Pourquoi? C'est vrai, pourquoi? Vas-y, comprendre quelque chose avec elle. Je veux savoir tout de suite. Embrasse-moi. C'est vrai? C'est vrai, Julien? Tu veux bien me pardonner? Pas comme cela, imbécile. Comme elle, sur la bouche. Mais tu es fou, alors. Mais tu es fou, Julien, lâche-moi. Mais tu es fou, voyons. Je ne peux pas. Mais embrasse-moi tout de suite, comme elle. Je veux comprendre ce que ça lui a fait. Je veux comprendre pour ne pas devenir fou. Oh, c'est idiot, c'est grotesque. Mais de quoi avons-nous l'air tous les deux? Mais lâche-moi, Julien, ou j'appelle. Embrasse-moi. Dis salut, embrasse-moi. Comme elle. Ou je t'étrangle. Mais ne serre pas, tu me fais mal. Mais je ne peux pas. Tu as bien pu déjà. Eh bien, moi. Figure-toi que c'est elle. Allez. Non, c'est trop bête. Non. Oh. Julien l'a plaqué contre sa bouche une seconde, puis il le repousse brutalement. Oh. Armand, ridicule, dépeigné, haletant, va s'écrouler sur le fauteuil. Oh. Julien est immobile. Il cherche, le visage torturé. Soudain, il s'essuie la bouche d'un revers de main dégoûté. Je ne comprends pas. La représentation de la maréchale d'amour s'achève. Tout le monde est en scène pour saluer. Madame Alexandra et du Bartas se font des politesses. Nombreux rappels. Madame Alexandra finit par céder à du Bartas, suivant un scénario minutieusement mis au point, et vient saluer seule à la rampe. On lui apporte une gerbe. Elle est trop émue de l'accueil du public. Elle est au bord des larmes. Elle ne peut plus que s'incliner, brisée par l'émotion et l'effort que fournissent tous les grands artistes qui se dépensent comme elle, sans compter, pour leur dieu. Reconnaissance réciproque. Le rideau, enfin, ne se relève plus, et les personnages changent aussitôt d'attitude. L'éclairage change. Madame Alexandra projette la gerbe de son cœur dans les bras de Madame Georges, qui a surgi sur le plateau, lui apportant sa canne. Sa vraie, car elle a des rhumatismes. Elle s'éloigne, boitant, vieilli. Du Bartas enlève sa perruque. Oh, ils étaient durs ce soir, ces cochons-là. La surette, toujours en maréchal, embarrassée de sa rapière et de son tricorne, aide tout bonnement l'accessoiriste qui commence à débarrasser le décor. Julien a surgi d'un portant. Il arrête Colombe. Colombe. J'ai marché tout ce soir dans les rues. Maintenant, il faut que je te parle. Je dois monter me déshabiller. Non, pas là-haut. Je ne veux plus les voir, j'ai honte. Bien. Je t'écoute. J'ai parlé avec Armand. Oui. Il m'a tout avoué. Tu l'as revu depuis? Oui. Tu penses bien que cela a été encore plus dur pour moi que ce soit lui? Oui, bien sûr. Je te demande pardon, Julien. On aurait bien voulu ne pas te faire de peine tous les deux. On t'aime bien, tu sais. Depuis que nous sommes petits garçons, il m'a toujours tout volé sans que je puisse lui en vouloir vraiment. Parce qu'il était toujours le plus petit, le plus faible. Les jouets, les caresses. Alors voilà. Je pense que vous étiez bien jeunes tous les deux, bien légers, et puis que je t'avais laissé seul. Je pense aussi que je t'ai beaucoup grondé comme un maître d'école en essayant de te rendre comme j'aimais et que j'ai dû t'ennuyer souvent. Oui. En marchant dans les rues, je t'ai parlé tout ce soir, tout haut. Je t'ai tout expliqué. Les gens me regardaient, ils devaient croire que j'étais fou. Je les heurtais, je leur demandais bien poliment pardon et je continuais. C'est drôle, on peut très bien marcher, sourire, traverser les rues et être mort. Je suis déjà mort. Et il faut croire que cela rend indulgent d'être mort. J'ai décidé d'essayer de te pardonner. Je voudrais seulement comprendre avant. Cela va être long de s'expliquer, mon petit biquet. J'ai peur d'être en retard. Tu ne veux pas venir maintenant dans la loge et que je commence à me déshabiller pendant que tu me parles? Tu ne penses qu'à te déshabiller en retard. Pourquoi? Pour ce souper dont je t'ai parlé. Mais tu ne songes pas sérieusement à aller à ce souper après ce qui s'est passé. Je repars demain. Je t'ai dit que c'était très important pour moi. Colombe, tu es folle. Mais c'est toi qui es fou de ne pas comprendre. Pourquoi ce caprice? Nous pouvons très bien parler là-haut pendant que je me déshabille. Ils m'attendent dans leur voiture devant le théâtre après la présentation. Regarde-moi, Colombe, tu joues en ce moment. Hein? Tu feins l'indifférence parce que tu as peur de cette explication. Oh, mais non, mon chéri, je suis toute prête à te répondre. Je te demande seulement de me laisser me déshabiller en même temps parce que j'ai peur d'être en retard. Écoute, c'est pourtant simple. Tu aurais la force de me laisser ce soir sans essayer de laver ce qu'il y a entre nous, d'aller rire avec d'autres hommes? Mais je n'y vais pas pour rire. Si tu crois qu'on s'amuse chez Maxime, je pense à mon avenir, voilà tout. Colombe, je n'ai pas rêvé. Tu n'aimais pas me laisser souffrir autrefois. Quand nous avions une dispute, tu essayais de me consoler après. Je veux te consoler, Julien, je ne demande que cela. Seulement, toi, de ton côté, sois raisonnable. Ne me fais pas mettre en retard. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir cessé comme cela de m'aimer. Mais qui te dit que je ne t'aime pas, Biquet? Cette blessure entre nous, elle saigne, elle va s'infecter, suppurer, nous tuer tous les deux peut-être. Il faut la soigner tout de suite, Colombe. Il faut essayer de pouvoir encore se réveiller demain. Tu as été légère, tu as été folle, mais tu es ma femme. Nous avons tous ces jours propres derrière nous, tout ce que nous avons espéré ensemble. Nous avons le petit, Colombe. J'en étais sûre que tu me parlerais du petit pour essayer de m'attendrir. Oh, c'est trop lâche. Pourquoi est-ce lâche? C'est mon fils. Je l'aime, je le soigne. Il ne manquera jamais de rien, ni de baiser, ni de jouer, je te le jure. Mais ce n'est pas toi. Comment, ce n'est pas non, moi? Non, ça n'a même aucun rapport. C'est trop facile de vous attendrir en vous parlant de votre petit. Il est dans son berceau en ce moment, au chaud. Il dort, bien tranquille. Et quelqu'un que je paie avec l'argent que je gagne, le garde. Et demain matin, c'est moi qui l'éveillerai, qui lui donnerai sa bouillie. Ça lui est bien égal, nos histoires, je t'assure. Quand il sera grand, je lui expliquerai que tu m'as rendue malheureuse, que je m'ennuyais trop, et qu'un jour, je n'ai plus pu tenir, voilà. Je t'ai rendue malheureuse, moi? Oui. Je t'ai tout donné. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tout ce que tu aimais, toi. C'est tout. Tu aimais la solitude, alors nous ne sortions jamais. Tu disais, oh, comme on est bien serrés l'un contre l'autre dans notre petite chambre, sans jamais voir personne. Moi, j'étais si jeune et si bête. Puis tu m'avais tellement expliqué ce qui était bien, ce qui était mal. Moi, j'embrouillais tout, je disais oui. J'aurais préféré aller danser. Mais nous avons été danser. Deux fois en deux ans. Tu danses mal. Mais quand les autres m'invitaient, tu m'obligeais à leur dire non. Tu m'aimais, Colombe, c'était tout naturel. Mais je t'aimais, mais j'aimais danser aussi. Et au lieu d'écouter tes discours sur la morale et l'imbécilité des gens, j'aurais préféré que les autres me fassent tourner en me disant des bêtises. Des bêtises qui m'auraient fait rire, au moins. Car moi, j'étais bête, comme eux. Oh, c'est entendu. Toi, tu étais un être supérieur. Tu étais très intelligent. Si tu crois que ça sert à quelque chose pour une femme d'intelligence, dans les livres, peut-être. Quoique tous les livres que tu me forçais à lire m'ennuyaient. Il n'y a pas des histoires comme ça que j'aime, moi. Il fallait que je fasse semblant de me pâmer. Dans la vie, en tout cas, j'aime mieux les idiots, j'aime mieux les voyous. Au moins, ils sont drôles. Et puis, ils vivent. Mais nous vivions, nous aussi, rappelle-toi. Les soirs où je jouais pour toi, tu aimais bien m'écouter. C'est cela aussi, vivre. Tu n'aimais pas les mêmes morceaux que moi. Il fallait que j'écoute les tiens. Oh, ton Mozart et ton Beethoven. Quand il y avait un accordéon qui jouait un désert que j'aime dans la rue, tu fermais les fenêtres, tu étais furieux. Je voulais te faire aimer ce qui est beau. Mais pourquoi est-ce toi qui aurais su ce qui est beau? Ce qui est beau, c'est ce qu'on aime. Et moi, j'aimais les chansons des rues, les belles musettes, les jolies robes et les bouquets de fleurs. Tu ne m'achetais jamais rien. Nous n'avions pas d'argent. Ou tu ne voulais pas te débrouiller pour en gagner. Cela te dégoûtait. Il fallait préserver ton art avant tout, pour que tu deviennes un grand pianiste. Alors moi, pour que tu deviennes un grand pianiste, je faisais la vaisselle et la lessive, toute seule, à longueur de journée. Si j'avais continué au nom de notre grand amour, quand tu l'aurais été enfin grand pianiste, quand on t'aurait couvert de fleurs, toi, le soir de ton premier concert, j'en aurais eu, moi, de jolies mains montrées. Il est vrai que tu m'aurais peut-être enfin acheté des gants pour les cacher ce soir-là. Mes premiers gants sans trous. C'est affreux, tais-toi maintenant. Oui, c'est affreux, mais c'est fini. Je m'occupe de moi maintenant. Je vis comme j'aime. Je ris avec qui je veux des bêtises qui me font rire. Sans me demander si elles te font rire aussi. Ou si tu me regardes dans mon dos. Ou si tu ne vas pas te mettre à bouder en rentrant à la maison. Si je boudais, c'est que je t'aimais et que tu m'avais fait de la peine en riant avec les autres. Eh bien, je ne te ferai plus de peine. Oh, quel soulagement. Les avons-nous assez porté, tes peines? Tes éternelles peines pour tout. Ah, c'est beau d'être sensible. Je ne suis pas une brute. Au théâtre, cela me fait pleurer comme les autres. Mais dans la vie, mon pauvre Piquet, comme cela peut être encombrant. Oh, tu veux que je te dise tout? Depuis que tu es partie, je suis heureuse. Je me réveille, il fait soleil, j'ouvre mes persiennes et il n'y a rien de tragique dans la rue pour la première fois. Le rempailleur de chaises qui est au coin du Crédit Lyonnais me crie « Bonjour, beauté, je t'adore !» Et je lui réponds « Bonjour !» Et c'est pas un drame pour toute la matinée de lui avoir répondu. Et si le facteur sonne et que je lui ouvre en chemise, eh bien ce n'est pas un drame non plus. Je ne suis pas une femme perdue, figure-toi. Nous sommes une fille et un facteur comptant l'un de l'autre, voilà tout. Lui que je sois en chemise, et moi d'y être et que ça ait l'air de lui faire plaisir. Et il repart tout guilleret parce qu'il se figure avoir vu quelque chose et qu'il aime mieux ça qu'un verre de vin, cet homme. Et moi je suis contente d'être belle, enfin, sans honte. Et je fais mon ménage en dansant, en chemise. Et je me lave toute nue dans ma cuisine, devant la fenêtre grande ouverte. Et tant pis si le monsieur d'en face prend ses jumelles. C'est un plaisir que le bon Dieu nous donne à tous les deux, voilà tout. Ce n'est pas pour ça que je suis une femme damnée et que je dois pleurer 2 heures avec toi et te consoler. Oh, mon pauvre Biquet, tu ne le sauras sans doute jamais. Mais si tu pouvais te douter comme c'est facile la vie sans toi, comme c'est bon d'être soi enfin, tel que le bon Dieu vous a faite. Mais je te jaloux parce que je t'aimais. Si un autre homme t'aime, il sera jaloux comme moi. Non. Ou alors cela me fera rire, et la vie n'en sera pas plus triste pour ça. Armand ne t'aime pas, tu le sais bien. Je sais qu'il m'aime comme je veux qu'on m'aime, et cela me suffit. En riant avec moi, en me disant que je suis belle, en me faisant des petits plaisirs, des petits cadeaux, en s'occupant de moi. Moi, tu ne sais plus dire que ce mot-là. Oui, mon petit Biquet, j'ai appris. Et tu tombes de haut, parce qu'avant il n'y avait que toi qui le disais. Mais j'ai mal, Colombe. Oui, Julien, c'est bien triste. J'ai eu mal, moi aussi. Le mal que je te faisais sans le savoir, ces gronderies, ces reproches, c'était mon amour pour toi. Non, Julien. Pour toi-même. C'est trop bête, ce que tu dis. Celle que tu aimais. Celle que tu essayais que je sois. Tu l'avais imaginée toute seule. Ce n'était pas moi. Je veux qu'on m'aime, moi, maintenant. Avec mes petites qualités et mes défauts. Je veux que cela fasse plaisir à quelqu'un de m'aimer. Toi, je ne t'ai jamais fait plaisir. Et tu ne comprendras jamais rien aux femmes. Mais c'est tout ce qu'elles savent faire sur la terre. Plaisir. Il ne faut pas leur enlever ça. Bon, maintenant, je vais être en retard, Julien. Nous avons tout dit. Laisse-moi monter me déshabiller. Non. Lâche-moi. Non. Brute, sale brute. Tu me fais mal. Oh, tu peux cela encore. Me brutaliser, tu es le plus fort. Me gifler, comme tu l'as fait déjà une fois. Tu crois que j'oublierai jamais? Je n'oublie rien, moi. Allons, ne t'en prive pas. Gifle-moi, tu es le plus fort. Pendant qu'il parlait, on a enlevé tout le décor et les meubles un à un autour d'eux, sauf le canapé sur lequel ils sont tombés en luttant. Ah, monsieur Julien, il faut qu'on enlève aussi le canapé. Les hommes emportent le canapé. Julien a attiré Colombe à lui. Ils sont seuls, debout, l'un en face de l'autre, au milieu du grand plateau désert, qui n'est plus éclairé que par la lampe de travail. Écoute, Colombe, nous sommes bêtes de crier. C'est moi qui vais te parler maintenant, bien calmement. Veux-tu m'écouter? Non. Il faudra que tu m'écoutes tout de même. Tu es le plus fort. Tu peux me tuer aussi si tu veux. Le pauvre mari trompé. Tu as même une chance qu'on t'acquitte. Je veux seulement te demander une chose. Veux-tu me promettre de répondre? Cela dépend. Demande. Quand je suis arrivé tout à l'heure dans ta loge, pourquoi m'as-tu sauté au cou? Cela me faisait plaisir de te revoir, c'était vrai. Pourquoi t'es-tu gentiment inquiété de mon sort là-bas? Je n'ai pas envie que tu sois malheureux. Et après, quand je t'ai questionné, quand je soupçonnais les autres, pourquoi as-tu nié? Comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Pourquoi m'as-tu juré que c'était moi que tu aimais? C'était si bête ce que tu soupçonnais. Je n'ai pas de répondre oui tout de même. Ni te dire la vérité non plus pour te faire encore plus mal. Je t'aime bien. Tu repartais demain. J'avais peur que tu aies de la peine tout seul là-bas. J'aurais préféré que tu ne saches pas tout de suite. Pourquoi as-tu pris mes mains et les as-tu embrassées? Pourquoi les as-tu mises autour de toi? Pour que tu me croies. Pour que cela te fasse un peu plaisir. Et si je n'avais pas questionné Armand, si je t'avais cru, en rentrant de ce souper, tu serais venu te coucher près de moi? Ah oui? Tu m'aurais laissé te caresser et te prendre. Bien sûr. Je ne comprends pas. Tu ne comprends jamais rien. Je t'aime bien, voilà tout. Tu es tout seul là-bas. Tu viens de passer 3 mois sans femme. Parce que je sais bien que tu ne m'as pas trompé, mon pauvre Biquet. Si tu n'avais rien su, je n'allais pas me mettre à inventer une histoire de migraine ou de mal de ventre pour te priver de ce plaisir-là. Je ne suis pas un monstre tout de même. Et tu te serais laissé faire comme une fille, sans plaisir. Pourquoi sans plaisir? J'aime bien que tu me touches. Et Armand? Bah, Armand aussi. C'est pas pareil, voilà tout. Oh, tu as le génie de tout compliquer, toi. Et tu le lui aurais dit? Pourquoi? Ça ne le regarde pas. Mais qu'est-ce que tu imagines, mon pauvre Biquet? Armand n'a pas de droit sur moi, il manquerait plus que ça. Nous sommes amis, bon. Nous nous plaisons, bon. Mais toi, tu revenais de la guerre, ou presque. J'aurais voulu voir qu'il ose dire quelque chose. Apprends que je ne lui ai jamais permis de me dire du mal de toi. Tu peux le lui demander si tu veux, si une seule fois, j'ai permis qu'il se moque. Mais enfin, pour qui me prends-tu tout de même? Mon Biquet, oh, tu veux bien que j'aille m'habiller maintenant? Ils doivent commencer à s'impatienter dans la voiture. Je te promets que je resterai pas longtemps chez Maxime et que je viendrai te rejoindre très vite à la maison. Nous nous sommes pourtant aimés vraiment de cette façon-là, Colombe, tous les deux. Mais oui, Biquet. J'ai un peu honte de te demander. Tu ne faisais pas semblant. Non, Biquet. Jamais. Mais pourquoi alors? Pourquoi? Je ne peux pas arriver à comprendre. Je ne suis pas parti si longtemps. Ce n'est pas comme pendant les guerres, quand les femmes finissent par n'en plus pouvoir d'être seules et qu'elles cèdent un soir sans trop savoir ce qu'elles font au premier venu. Tu n'étais pas obligée. Tu aimes Armand davantage que moi de cette façon. Oh non, Biquet. Mais autant que moi tout de même. Oh, si tu crois que je fais des comparaisons. Ah, vous êtes drôles, les hommes. On dirait qu'il n'y a que ça qui compte. Vous êtes des maniaques. Bon, je n'allais pas sortir avec Armand tout de même. Lui laisser me faire la cour, s'occuper de moi toute la journée, puis lui dire non. Il faut faire un effort pour comprendre aussi. Mais je le fais, je ne fais que cela. Un effort pour comprendre comme nous, pas toujours comme vous. Alors, si j'étais resté là, si je ne m'étais aperçu de rien, tu aurais partagé entre nous. J'ai trop honte. Oh, si, si, si. Je ne vis pas avec des si, moi. Si tu étais resté, ben, j'aurais vu ce que j'aurais fait. Mais tu n'étais pas là. Ah, c'est ta faute aussi. N'accuse pas toujours les autres, tu n'avais qu'à pas me laisser seule. Il fallait bien que je sois soldat comme tout le monde un jour ou l'autre. Tu n'avais qu'à te faire réformer si tu m'aimais. On te l'a proposé, tu n'as pas voulu. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que tu ne pensais qu'à toi. Qu'il fallait que je pense à moi, moi toute seule. Si je voulais que quelqu'un y pense. Pauvre petite colombe. Oui, pauvre petite colombe. Si tu crois que c'est gai pour une femme, tout ça, tu crois que ça rend joli de souffrir, je vais être belle tout à l'heure, c'est malin. Pauvre petite colombe de deux sous. Tu ne penses qu'à ton rendez-vous. Je t'aimais, moi. Comme un petit garçon aime sa mère, comme un petit garçon aime un autre petit garçon avec qui il a échangé son sang, une nuit, dans le dortoir, à la vie, à la mort. Comme un petit compagnon pour lutter, pour vivre tous les jours, jusqu'à ce qu'on soit vieux ensemble, tout fragile et tout blanc, et qu'on n'ait plus qu'à se rappeler en fermant les yeux, l'un à côté de l'autre, et comme une vraie femme en plus, pour le bon et pour le mauvais, pour les scènes et pour les silences, quand on est arrivé à se connaître si bien, on n'a plus besoin de se parler. Et il y avait derrière tout cela ma belle liberté d'homme, les aventures avec les autres garçons sous le soleil, les mers jamais traversées, et les filles, toutes les autres filles entrevues dans les rues, et laissées. Tout ce que je t'avais donné, sans regret, rien que pour devenir ce petit vieux dérisoire, et pourtant comblé à côté de toi, grondé pour sa pipe, et quémandant ses deux sous pour aller chercher son journal. Ça m'avait paru à moi une aventure suffisante pour une vie d'homme. Parce que je t'aimais. Eh bien, maintenant, tu pourras aller faire tes voyages. Tu pourras enfin les accoster, les filles, dans les rues. Leur proposer encore une fois de partir avec toi, comme à moi, il y a 2 ans. Je pourrais, oui. Oh, je te vois d'ici leur montant encore la tête, les éblouissant comme moi avec ton air triste, ta révolte, et ta chère, grande âme, blessée de tout. Ah, oh, quelle idiote. Mais quelle idiote j'ai été t'écouter. Ah, une vraie dinde. Ne dis pas de mal de cette colombe-là d'il y a 2 ans. Je la garde, celle-là, elle est à moi. À toi, pauvre homme. Parce que tu l'as connue, tu crois celle-là aussi. Un ange, n'est-ce pas? Tu l'as cru. Un ange, dans une boutique de fleuriste, avec les vieux beaux qui viennent tous les jours se faire mettre des boutonnières. Eh bien, garde-la, si tu veux, ta colombe en sucre d'orge. Mais cette sainte nitouche-là, je peux bien te dire que tu l'as rêvée toute éveillée comme le reste, mon pauvre Biquet. Je te défends, tu entends, je te défends, celle-là, de la salir. Mais j'ai bien le droit. C'est de moi qu'il s'agit tout de même. Non! C'est cela qui me fait le plus peur, tu vois. Que tu puisses devenir si vilaine un jour que j'arriverai à ne plus t'aimer. C'est de penser que tu seras toute seule au monde, quelque part, avec ta pauvre petite figure fermée, tes pauvres petits seins offerts à tout le monde. Ton pauvre petit égoïsme, sans mon amour. Tu me fais très mal, Julien. Tout à l'heure, j'aurais des bleus au bras. Ce n'est peut-être pas très utile. C'est bien. Tu vas être en retard. Monte cette fois. Monte vite t'habiller. Colombe. Quoi encore? Rien. Si en t'habillant, tu pensais tout de même qu'il vaut mieux que tu n'y ailles pas, je t'attends là. Julien est seul sur le plateau désert. Il va jusqu'au piano qui traîne dans les coulisses et soulève le couvercle du clavier. Il joue quelques notes vagues. Leur première rencontre, quand Colombe se moquait de Madame Alexandra, de Des Fournettes, de Poète Chéri, quand Armand se conduisait comme un frère, quand la vie n'était que poésie. D'entendre, dans une production de Léon Ruth consacrée à 10 jeunes filles dans un siècle, Colombe, de Jean Anouilh, avec l'interprétation que voici, Julien, Michel Bouquet, Armand, Christian Alers, La Surette, Jean-Paul Roussillon, Dubartas, Jean-Pierre Marielle, Poète Chéri, Pascal Mazzotti, Des Fournettes, Claude Pieplu, Le coiffeur, Marcel Alba. Daniel Delorme était Colombe. Sylvie, Madame Alexandra. Denise Jans, Madame Georges. Robert Moncade, celui qui voit. Chef opérateur du son, Bernard Leroux. Collaboration technique, Joseph Rémiot. Assistante de production, Yvonne Despouy. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.